Salut à toutes, salut à tous, et quel bonheur de vous retrouver après ces semaines sans émission. Voilà, on n'est pas en direct des studios, on n'est pas en direct du tout d'ailleurs. On est bien à la maison, voilà, une émission spéciale confinement que nous ferons chacun à domicile. Je vais vous présenter tout de suite ceux avec qui j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Avec d'abord Christophe, salut Christophe. Salut Rémi. Comment ça va? Ah écoute, on est enfermé donc ça va. Ouais. D'habitude c'est dans notre condition qu'on est enfermé, mais là, ouais, un peu difficile, mais on fait avec. On survit. Et puis, Sylvain est avec nous aussi, salut Sylvain. Salut Rémi, salut Christophe. Ça va bien? Salut Sylvain, ça va? Ça va, ça va. Bon, et bien écoutez, en tout cas, bienvenue. Une émission qui a été enregistrée vendredi, hein, voilà, pour des raisons techniques, et puis qu'on subit ce lundi. Voilà, j'aurais bien sûr aimé qu'on fasse en direct. Mais vous le savez, avec la fermeture de Radio Arc-en-Ciel, ça n'a pas été possible. Voilà, donc on a décidé de faire cette émission spéciale voilà, en direct de la maison. Une émission quand même réalisée dans les conditions du direct. Voilà, il n'y aura pas de montage du tout. Hein, elle a été postée telle quelle sur Facebook, cette émission. Donc tout ce qu'on va dire là, ce sera sur l'émission. Donc ça te rit, les gars. Et puis, on va faire attention. Et puis voilà, donc en tout cas, en émission bien sûr différente. D'habitude, il n'y aura pas de direct, il n'y aura pas de résultats évidemment, puisque tout le monde du sport est à l'arrêt, ou presque, hein, quasiment. Hein. Donc on aura d'autres sujets bien sûr. Voilà, on aura évidemment, on ne sera pas là pour l'aspect médical de la crise sanitaire, mais bien sûr l'aspect sportif. Hein. On n'est pas là pour parler du médical, il y a des experts qui sont là pour le faire et qui le font très bien en ce moment d'ailleurs. Et voilà. Donc en tout cas, on va avoir plein de sujets. J'ai un petit programme spécial que je vais vous donner. On va parler, bien sûr, de l'arrêt des championnats. Alors peut-être pas dans cet ordre-là. Je vous donne le programme, mais on fera peut-être pas dans cet ordre-là. On verra. L'arrêt des championnats, nationaux, régionaux, pardon, et départementaux, dans la plupart des sports. Voilà, on fera un petit peu le point sur les sports qui ont déjà donné leur décision. Je pense au handball. D'ailleurs, hein, puisque Sylvain me regarde, donc je sais que... Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Non, je te fais signe pour tenir le basket. Ah oui, ouais, bien sûr, ouais. N'hésitez pas à parler en même temps. Oui, bien sûr, le basket, le volley, le rugby aussi a décidé d'arrêter aussi. Voilà, et puis, dans le foot, eh bien, on devait avoir une décision aujourd'hui de la part de la Fédération Française de Football. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la décision a été reportée. Voilà, ouais. À peu près à la mi-avril, grosso modo, c'est ça. Hein. Bah, c'est ce qu'ils annoncent pour le moment, mais ça risque de changer. Ouais. En tout cas, pas de décision pour le moment pour les championnats régionaux et départementaux dans le foot. Et puis le quid des championnats nationaux, on en parlera. Avec bien sûr la Ligue 1, la Ligue 2, et puis les autres compétitions comme le Top 14, la NBA ou encore la Pro A, la Cheap 8. Voilà, donc on fera un point sur les championnats nationaux, les enjeux bien sûr économiques, parce qu'il y en a, bien sûr. On parlera aussi tiens, des salaires des joueurs, pour certains qui ont décidé de baisser leur salaire. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Ouais. Moi, j'ai pas décidé de baisser le mien. Pardon, j'ai pas entendu. Moi, je ne baisse pas le mien. Hein. Tu baisses pas le tien, pourquoi? Je comprends pas. Il est déjà à zéro, donc on va peut-être pas le baisser. Voilà, donc voilà, il y a des équipes, il y a des clubs complets qui ont décidé aussi de baisser le salaire. Des dirigeants, des présidents, voilà, on fera un peu le point aussi sur tout ça. On parlera aussi des championnats où on joue, parce que figurez-vous qu'il y a des championnats où on joue quand même en Europe. En Biélorussie, tout à fait, ouais, exactement, on joue en Biélorussie. On parlera aussi du championnat russe qui lui s'est arrêté, il avait démarré, il s'est arrêté. Voilà, on parlera aussi du report de l'Euro 2020. Est-ce que pour vous bonne ou mauvaise idée, la date du report bien sûr, le report des Jeux Olympiques de Tokyo, est-ce que pour vous c'était nécessaire, j'aurai votre avis aussi là-dessus, est-ce que la solution de le reporter l'année prochaine est une bonne solution, j'aimerais aussi avoir votre avis sur ça. On parlera du confinement des sportifs de haut niveau qui bien sûr sont tous confinés également. Les solutions qui ont été apportées pour certains pour survivre dans ce confinement, certains qui ont fait aussi des directs. Je pense aussi à Karim Benzema qui a fait un direct il y a pas longtemps, vous l'avez sûrement vu, et qui a attaqué un peu Giroud. Donc j'aurais votre avis aussi là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis un peu. Ouais, léger. Donc voilà, j'aurai votre avis aussi sur ça. Et puis, on parlera aussi, je voudrais avoir un mot sur la disparition des grandes figures du sport. Comme, je pense à Michel Hidalgo, ou Pape Diouf qui nous a quitté cette semaine. Voilà. Nicolas Portal aussi, le cycliste qui nous a quitté il y a quelques semaines. Et puis, une autre figure qui, lui, n'est pas du monde du sport, mais de la musique, c'est Manu Dibango. Voilà, qui nous a quitté aussi à la des suites du Covid-19. Et d'ailleurs, je pense à Manu et je l'embrasse, Manu, qui nous écoute peut-être. Ah, la transition, elle était bonne. Elle est énorme, ta transition. Bah oui, c'était fait exprès. Je pense à Manu qui nous écoute peut-être. On l'embrasse, il nous écoute en différé. Qui, lui, d'ailleurs, fait aussi son émission en différé. Il a décidé de ne pas arrêter la diffusion de On The Rocks et qui, chaque lundi, fait son émission en différé, qui enregistre son émission. Voilà, donc que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son site ontherocks.net ou sinon sur le Facebook ontherocks, vous pouvez retrouver son émission donc en podcast. Voilà donc le programme, et puis bien sûr on aura des pauses musicales qui vont être choisies par Christophe et Sylvain ce soir. Enfin ce soir, aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire ce soir, mais on n'est pas ce soir encore pour nous. Oui, Christophe. Pour en profiter, je veux faire une petite bise à quelqu'un qui fête mon anniversaire aujourd'hui, qui habituellement nous enregistre les podcasts juste avant. Oui, okay. Tout à fait. Qui enregistre tout le temps, donc voilà. Donc il va sûrement nous écouter, hein, j'imagine. Donc c'est un grand coucou. Et bah, coucou, bien sûr, à Florent qui d'habitude. Alors d'ailleurs, ce sera lui aussi qui va. Alors non pas enregistrer l'émission, parce que ça c'est. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais, mais qui va en tout cas la mettre en ligne sur son site. Pour qu'on puisse avoir le lien directement sur Facebook. Voilà, c'est aussi lui qui va faire cette manip pour cette émission. Voilà, donc le programme, il est quand même chargé. On va démarrer sans plus attendre avec le premier sujet de l'émission, qui est l'arrêt des championnats donc régionaux et départementaux. Donc on le disait, on a fait le point tout à l'heure dans plusieurs sports. On disait le volley, le hand, le rugby, le basket. Et dans le foot, on est dans l'attente. Alors déjà, première question. Vous, est-ce que pour vous, c'était nécessaire d'annoncer tout de suite, ou pour certains, ça fait déjà quelques jours, d'annoncer la fin des compétitions départementales et régionales? Christophe, peut-être pour démarrer? Je vais laisser Sylvain plutôt. Sylvain, ton avis? Moi, la première chose, ce qui me surprend, c'est qu'on est quand même censé avoir un ministère des Sports. Ouais. Toutes les fédérations dépendent du ministère et j'ai du mal à comprendre pourquoi chaque fédé fait son truc dans son coin sans aucune consigne du ministère. Je pense qu'on aurait pu avoir un truc général, ouais. Au moins avec des consignes du ministère. Voilà, ça, j'ai du mal à comprendre ce que fait le ministère dans cette affaire. Alors après, chaque fédé fait son truc à sa sauce et puis voilà quoi, mais. Ça manque de coordination, quoi. Je vois pas trop la différence entre un championnat de volley, un championnat de hand et un championnat de basket. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas les mêmes instances. Hein. On va pas non plus parler de politique, on va pas rentrer dans la politique, parce que voilà, on est pas là pour ça. Mais c'est vrai que chaque sport est différent, chaque fédération est différente, avec des orientations différentes. On le sait bien, parce qu'on sait que les fédérations, bien souvent, elles sont orientées politiquement aussi, hein. Donc il y a des orientations qui peuvent être différentes, mais effectivement c'est surprenant que aujourd'hui le gouvernement et notamment la ministre des Sports, comme tu l'as dit Sylvain, prennent des décisions sur des trucs complètement abracadabrantesques et ne prennent pas de décision dans ce genre de cas. Elle est venue à parler de, par exemple, on va parler du Tour de France, hein, la Tour de France à huis clos. Par contre, elle n'a pas été capable effectivement de, à un moment donné, de se mettre autour d'une table et de dire, avec justement les différentes fédérations. Et dire, voilà, est-ce que si vous voulez arrêter, est-ce qu'on arrête tous? Alors aujourd'hui, on le sait, hein, il y a aussi l'histoire de fric, hein, il y a aussi de l'argent qui rentre en jeu, notamment dans le football, où il y a énormément d'argent, et ça risque également de faire beaucoup, beaucoup de différence par rapport aux autres. Et c'est certainement pour ça d'ailleurs qu'ils ont reporté aujourd'hui, au mois d'avril, au 15 avril, et peut-être même plus tard, à mon avis, ce sera même encore plus tard, parce que s'ils peuvent déborder encore, ils vont déborder. Je ne sais pas comment ils vont y arriver, parce que juillet-août, il y a peut-être déjà des gens qui ont réservé les vacances. Eh oui. Les gamins sont en vacances. Ça va être pareil pour le bac, pour les jeunes qui vont passer leur bac. Ça va être compliqué, vraiment compliqué. Alors, à gérer. On a une info sur le bac, tiens, je sais pas si tu l'avais vu, qui est tombé aujourd'hui. A priori, ouais. Le bac, tu l'as vu, Sylvain, peut-être. Je te laisse. Ce serait malheureux qu'il sache pas. Sylvain, vas-y, je vais te laisser dire alors. Ouais, non, simplement, il n'y aura pas d'examen du bac, quoi. Ça sera une épreuve, une moyenne sur l'année, quoi, avec le contrôle continu. Oh putain, bah, celui qui a rien foutu de l'année, c'est mort. Voilà. Et pour ceux qui comptaient sur l'examen final, bah, ah oui, pour qu'il y ait c'est raté. pour l'examen, là, c'est mort. Ouais. Ce qui était mon cas d'ailleurs, donc. Non, moi, je parle pas de moi, je dirais rien. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Tiens, Sylvain, puisque toi, tu es concerné directement par ces arrêts de championnat, je pense au Hand, avec bien sûr Gien. Comment ça se passe comment on a accueilli la nouvelle au sein du club? Je dirais de manière différente. De toute façon, on va rappeler que la fédération de hand pour ces championnats amateurs a décidé de faire un système un petit peu intermédiaire. Ils ont fait descendre simplement les derniers de chaque championnat. Le D'accord. dernier, Le voilà. dernier, ouais. En arrêtant le classement au jour J, ce qui est pour moi, à titre personnel, un peu injuste. Parce qu'on en a déjà parlé avec Christophe, mais évidemment, si tu as commencé la phase retour en recevant les deux premiers, ce qui est notre cas, Ah oui. c'est pas pareil que si tu t'es déplacé chez les deux derniers, par exemple. Voilà, mais bon, ça c'est une décision qui a été prise, il faut pas s'éterniser là-dessus. Et concernant Gien, personnellement, je trouve que c'est un peu injuste sur le fond. Après, Gien était en difficulté depuis 1 an et demi maintenant et la relégation va pas faire de mal finalement. C'est pas catastrophique. On en avait parlé, c'est vrai, tu avais Ouais, dit que si tant c'était plutôt bien, enfin c'était plutôt bien. De fait de descendre, c'était fallait y ouais. passer quoi presque. C'était une étape obligatoire, à C'est mon avis. ça. Ouais. Mais Christophe, si tu tant est qu'il n'y a pas de repêchage, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri Oui. non plus. Hein. On le sait bien souvent, et là notamment plus cette année que les autres, on va certainement avoir beaucoup de clubs qui vont être en difficulté financière. Sylvain, pour en avoir parlé plusieurs fois avec toi, on le sait, dans le handball, c'est assez compliqué, surtout au niveau National 1. Hein. Les frais d'arbitrage, par exemple, sont très chers. Les joueurs qui, également, pour la plupart, sont payés. Bon, pas des prix non plus, ça n'a rien à voir avec le football. Hein. Mais bon, c'est quand même un budget. Il y a certainement des clubs qui, de par le fait de continuer, alors je ne sais pas s'ils continuent à payer leurs joueurs, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, je pense que ça va poser des difficultés à beaucoup de clubs. Il risque d'y avoir des clubs qui ne repartiront pas forcément en National 1 ou ailleurs. Et ça va peut-être faire encore le jeu, une fois de plus, Sylvain, hein, tu vas encore sourire certainement, mais une fois de plus faire le jeu des Giennois qui pourraient encore se retrouver maintenus en National 1. Ouais, effectivement, il y a une petite possibilité de repêchage, mais le club préfère pas compter là-dessus. Voilà. Ah ben non, mais il faut pas compter dessus, mais après, je pense que si jamais ça t'est proposé, il faut malgré tout y réfléchir. Oui, bien sûr. Maintenant, on le sait depuis 2-3 ans, on l'a vu ensemble, hein, depuis 2-3 ans, c'est compliqué, à chaque fois c'est des repêchages, où là cette année c'était un peu plus compliqué encore. Des fois, il vaut mieux redescendre d'une division et se retrouver plus à ta place avec des matchs gagnés. Mentalement et moralement, c'est bien mieux. Exactement, exactement. Donc pas de donc pas de montée en fait. Hein. Non, Pas de pas de mon. montée. Alors, on peut faire un point rapide sur les clubs du département. Ouais. Donc, en National 2, on avait Saint-Privé qui était en grosse difficulté puisqu'ils étaient avant-derniers en National 2. Et du coup, bah, ils sont maintenus. D'accord, ouais. Voilà. Donc on va avoir un derby peut-être l'année prochaine. On peut avoir deux derbies même puisque là, tu le sais, Christophe, on a été voir ensemble la réserve de Saran, Ouais. qui était leader de National 3 et qui est donc promu en National 2. Voilà. D'accord. Donc ça va nous faire des gros derbies. Donc on pourrait avoir une poule de National 2 avec trois clubs du Loiret, ce qui serait franchement sympa. Ça éviterait certains grands déplacements. En plus, ouais. Est-ce que vous avez des infos sur l'arrêt aussi du championnat, que ce soit au volley, au basket, au rugby, au niveau amateur bien sûr, et sur le quel est en fait quel va être décidé en termes de montée, descente, Christophe, peut-être t'as des infos? Non, Sylvain, certainement sur le volet, j'imagine. Ouais, alors sur le volley, c'est simple, tous les championnats sont gelés et saison blanche pour tout le monde. Donc là, c'est tu peux pas faire plus simple. Bah en fait, ce qu'on aperçoit, c'est qu'en fait, d'un sport à l'autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sylvain d'ailleurs, on n'est pas, on fait pas du tout la même chose en fait. Mais c'est ça qui me surprend, moi. Non, puis tout le monde y va de son grain de sel, c'est-à-dire que chacun donne son idée, donne son point de vue. Ce matin, je parlais avec Jean-Marie Bigeotta, là, vous connaissez sûrement, hein, l'ancien président de l'USM Saran, football, tu parles, et qui disait que c'était chacun y allait de son point de vue, chacun racontait n'importe quoi, et ça devenait un vrai foin, quoi. Parce que tout le monde avait des idées, bonnes ou mauvaises, hein, on n'est pas là pour les juger, mais en tout cas, on savait plus à quel sens vouer, quoi. Sur le basket, tu peux nous faire un point, Christophe? Comment? Sur Le le basket. basket. Bah sur le basket, je sais que ça a été arrêté, mais j'ai pas trop fait attention. Je connais quelqu'un qui est à Montargis, il faudrait que je regarde, mais je vais essayer de regarder là. Si quand vous parlerez, je regarderai un peu. Même, voilà, même au niveau du rugby, je sais qu'on a, on a l'UNRCO qui concernait aussi, qui était pas très en, qui était pas très bien en classement, et qui était dans les dernières places. Et ça a été Il y a annoncé il y tellement a eu trois. d'informations en fait Ouais. qu'on est un peu tout secoué parce que bon, on ne sait plus qui, quoi, comment. Il y en a pas un qui fait pareil que l'autre. Et c'est justement, là, je rejoins Sylvain en disant que si tout le monde avait fait pareil, on ne serait pas en train de avec ça et on ne Oui. chercherait pas à comprendre qui, quoi, comment. Et C'est là, ça. on ne sait plus où on en est. Là. Là, je crois qu'il faudra attendre le début de saison prochaine pour savoir exactement où on en est. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on parlait du foot, on n'a pas encore la décision. On a une réunion exceptionnelle qui a été, je crois, faite mercredi, hein, si je dis pas de bêtises, entre le président Noël Legrette et tous les présidents de ligue, qui plutôt étaient eux d'accord pour arrêter la saison, hein, les présidents de ligue. On a eu aussi, vous l'avez peut-être vu, l'annonce de Marc de Barba, qui est le président de la Ligue de football Alors là, il n'y a pas amateur. l'air de faire l'unanimité. Hein. Non, ouais, c'est ça. Et qui lui, par contre, il était hors de question de faire une saison blanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou alors non, justement? Bah, ouais, c'est pas tellement la question d'être d'accord ou pas avec lui, c'est qu'au niveau des amateurs, pour moi, c'est totalement infaisable. Hein. C'est totalement infaisable. On va pas sortir du confinement avant début mai. Je vois vraiment pas comment on peut finir la saison chez les amateurs. Et puis les amateurs, ils vont pas jouer au mois de juillet, ils vont pas jouer Non. au mois d'août. Non, non, bah non, Ça, non, non. c'est sûr. Parce que même début mai, on va pas reprendre la saison tout de suite, dans le cas Non. où on devrait la reprendre, parce qu'il faut aussi se remettre en jambes. Après, il reste encore. Par, ça dépend aussi en termes de ligue. Il y a des ligues où il y a moins de matchs à jouer, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a des ligues où il y a encore 10 matchs à jouer par équipe, donc c'est énorme. C'est énorme. Christophe. Ouais, bah, je suis de votre avis, les gars. Moi, je suis exactement comme vous. Je regarde ça un petit peu, je regarde les classements. Je vous dis qu'aujourd'hui, si on fige les classements, si on fait une saison blanche et qu'on repart de zéro avec les mêmes clubs, tu vas avoir des clubs qui étaient prêts à monter, qui vont tirer un peu la gueule, hein, ça c'est normal. Hein. Je veux dire, un club comme Montargis, par exemple, en première ligue départementale, va se retrouver à recommencer un championnat à zéro, alors qu'ils avaient fait une super saison, je trouve. Moi, je les attendais pas à cette place-là, je les attendais à 4-5e, et finalement, ils sont en tête, et puis il n'y a pas photo, quoi. Je trouve que c'est largement mérité. Et puis par contre, des clubs comme Nabil qui avait du mal, qui était un peu à la peine, comme Boigny qui était remonté troisième, qui eux ont. Boigny qui justement remontait troisième, va peut-être rater la montée. Alors si tu leur mets 10 matchs de plus, il y aura peut-être la montée au bout. Eh oui, bien Et là sûr. aujourd'hui, on est troisième, donc ils ne monteront pas. Donc C'est ça. c'est vachement. Il y a du pour et il y a du contre là-dedans. Hein. C'est vraiment compliqué. Est-ce que vous avez, je sais que tu avais une idée, Christophe, tu peux peut-être nous en faire part là, sur comment gérer peut-être cette Bah moi situation. j'avais une idée, mais on a tous des idées, hein, tu sais, c'est ce que je dis, la mienne n'est pas forcément la meilleure. Mais Oui, c'est mais. vrai que je l'ai retrouvée, cette idée, je l'ai retrouvée dans pas mal de messages où j'ai vu des gens qui envoyaient des idées, et j'ai retrouvé cette idée justement dans pas mal de choses. Et bah, c'était simplement le cas d'arrêter les championnats tels qu'ils étaient, de faire un calcul de points, c'est-à-dire au nombre de matchs à jouer, parce qu'il y a des équipes pareilles qui ont des matchs d'avance, des matchs en plus ou des matchs en moins, avec les intempéries, il y a eu des matchs en plus ou en moins. Donc faire un calcul pour que tout le monde soit à égalité dans les nombres de matchs. Et puis ensuite, prendre le classement que tu as, même si, comme dit Sylvain, tu n'auras pas forcément joué les mêmes adversaires et pas forcément chez toi ou chez eux, il y aura des différences de ce côté-là. Mais prendre, bah, ne faire que des montées, mais ne pas faire des descentes. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, la première division, tu as deux montées de première division comme tous les ans. Les deux premiers vont monter. Là, aujourd'hui, ce serait Montargis et je sais plus qui est le deuxième, mais les deuxièmes. Et donc, il n'y aurait pas de descente, par contre, derrière en deuxième division. Et Ouais. pareil en PH, enfin en R3, Seulement pardon. PH, C'est mon PH, la R3. En R3, en fait, tu aurais deux équipes par poule qui monteraient, et donc bah, deux équipes par poule au-dessus qui ne descendraient pas. Ce qui ferait qu'on serait en fait au plus haut championnat qui serait concerné, se retrouverait avec deux équipes en plus. Par contre, toutes les équipes, tous les championnats du dessus se retrouveraient avec le même nombre d'équipes que cette année. Sauf qu'il n'y aurait pas eu de descente, il n'y aurait que des montées. C'est tout. Donc ça ne pénaliserait qu'une partie des gens. ouais. Par contre, le petit point négatif de tout ça, c'est que ça t'oblige derrière à avoir quatre descentes l'année suivante dans chaque championnat pour remettre tout en place. Pour équilibrer. Mais à partir du moment où tout le monde est d'accord, je veux dire, c'est vraiment un cas exceptionnel cette année, t'as pas vraiment le choix. C'est un cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, tu peux pas faire autrement. Et est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose sur les compétitions nationales, peut-être? Moi, j'avais vu ça jusqu'en Ligue 1, hein, jusqu'en haut. Ça veut dire que l'année prochaine, la Ligue 1 aurait été à 22 clubs. Alors déjà, quand on parle de la mettre à 18, je pense que ça plairait pas à tout le monde. Ça plairait pas forcément à tout le monde, donc voilà quoi. Mais bon, Très honnêtement, je pense que si on prenait ça tout en haut et qu'on descendait jusqu'au plus petit, ça permettrait simplement d'avoir une D1 à 22 clubs. Et puis l'année prochaine, d'en descendre une D1 à 20, voire même à 18 en faisant 4 descentes, hein, en faisant plus de descentes. Mais seulement, il faut l'acter dès le départ, que tout le monde soit au courant et qu'il n'y ait pas de gens qui râlent derrière. Comme ça l'a fait l'année, il y a 3-4 ans en championnat départemental dans le Loiret, hein, si tu te souviens bien, Rémi. Ouais, où il y avait 6 équipes qui étaient descendues, je ne sais plus combien. Et ça avait fait râler. Alors que dès le début de saison, ça avait été acté et accepté par tous les présidents de club. Donc il n'y avait pas aucune raison de râler puisque tout le monde l'avait accepté. Donc voilà. Moi, je me souviens bien d'avoir eu quelques petites remarques de notre ami Alain Blazer, notamment, hein, qui n'était pas d'accord du tout avec ça, parce que forcément, il était le premier concerné. Il était descendu à cause de ça, alors que normalement, il n'aurait jamais dû descendre. Mais c'était acté dès le départ, dès le début de championnat. Donc, fallait rester sur ce qui était acté. Voilà. Donc, tant que c'est acté, pour moi, ça pose pas de problème. Par contre, il faut que tout le monde soit d'accord dès le départ et que tout le monde signe le papier en disant on est OK pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, voilà, ça fait le cirque. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose, Sylvain ? Non, pour moi, on en a déjà parlé ensemble. Pour moi, c'est la bonne solution. Après, voilà, au moins, tu récompenses les clubs qui ont fait un bon début de saison et voilà, et tu pénalises pas ceux qui pouvaient encore se sauver pour pas descendre. Pour moi, c'est la meilleure solution. Mais après, merci, ça va pas les varier. Là. Mais non, mais plus sérieusement, par contre, oui, effectivement, pour moi, c'est la meilleure solution parce que justement, tu ne pénalises qu'un minimum de gens. Tu vas ne pénaliser qu'un minimum de gens et même pratiquement personne. Il n'y aura que des gens qui seront récompensés, ceux qui sont en haut. Par contre, effectivement, je me mets à la place des gars de Boigny, là, de Boigny chez Sylvain. Ouais, quand t'es troisième. Aujourd'hui, finis troisième et bon, ils vont pas monter. Voilà. Ils vont avoir un peu la rage. Mais voilà, il fallait faire un meilleur début de championnat. Ils sont un peu montrés sur le début, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Vous l'aviez entendu, cette idée de prendre les classements, aller, il y avait des idées comme ça, vous l'avez entendu ça ? Ouais, mais c'est pareil, les classements aller, tu n'as pas rencontré toutes les équipes sur ton terrain. Ou, voilà, tu peux avoir joué finalement les 4 premiers à l'extérieur chez eux, ou chez toi les 4 premiers, et à l'extérieur avoir joué les 4 qui sont à la lutte avec toi. Donc c'est compliqué. Hein. C'est ça. Ça change. Sylvain, non ? Non, mais oui, de toute façon, moi j'en ai parlé tout à l'heure pour le hand, pour reprendre le cas de Gien, sur les 3 matchs qu'on a pu faire sur les matchs retour, nous on a joué la réserve du PSG et la réserve de Nantes sur 3 matchs, qui sont les deux premiers. Oui, déjà, oui. Et, ouais. Voilà, et on descend avec 2 points d'écart sur Chartres qui, eux, ne les a pas joués. Donc voilà, c'est. Il faut quand même préciser, Sylvain, que la réserve de Nantes et du PSG, leurs équipes premières, donc Nantes et Paris, hein, sont, allez, on va dire, dans les 3 meilleures équipes nationales, au niveau, oui. Au plus haut niveau national. Nantes, Paris est premier et Nantes est deuxième ou troisième. Ouais, c'est ça, oui. Il y en a une autre, je ne sais plus qui c'est. De toute façon, que tu arrêtes au milieu du championnat, que tu arrêtes à l'instant T ou que tu fasses saison blanche, de toute façon, tu peux prendre le truc dans tous les sens. Il y a quelque part où c'est forcément injuste. Il y aura toujours des gens satisfaits, des gens insatisfaits. Ça, tu ne pourras pas l'éviter. Malheureusement, là, on est dans une situation où personne n'a souhaité et qui est totalement indépendante de tout ce qu'on aurait voulu, hein, et les uns et les autres. Alors, ça changera rien. Sur la Ligue 1, la Ligue 2, on annonce une reprise dans les prochaines semaines et on pourrait finir la date butoir qui a été annoncée, enfin, en tout cas, qui a été souhaitée, c'était mi-juillet. Vous l'avez entendu ça aussi ? Ouais. Cette info, ouais. Ouais. Ça vous paraît cohérent ou complètement. Oui, j'y crois pas. Ton avis, Sylvain, c'est quoi ? Moi, j'y crois pas. Déjà pour des raisons juridiques. Les mecs, ils sont sous contrat jusqu'au 30 juin, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça pose vraiment problème, ça. Ouais. Le gars qui est sous contrat et qui va être transféré, qui s'entend pas forcément avec son coach, hein, je vais dire n'importe quoi, un gars qui est pas en odeur de sainteté avec le coach, qui est mis sur la touche et qui a envie de changer de club, changer d'air, le gars, si tu l'envoies jusqu'en août ou septembre, le mec, il a peut-être envie d'être dans un autre club et de commencer, et il va être obligé de rester dans ce club-là, là, plus longtemps. Et, des fois avec une ambiance qui sera pas forcément très terrible. Alors par exemple, il y a un exemple en Europe qui est pas très loin de chez nous, parce que c'est la Belgique, on a décidé d'arrêter le championnat. Hein. Vous l'avez vu ça ? Ouais. La Belgique a arrêté son championnat. Alors évidemment, c'est pas la même envergure que la Ligue 1 ou que les autres championnats européens, mais voilà, en tout cas en Belgique, qui est vraiment à côté, on a décidé d'arrêter. Hein. Et voyez, j'ai la fin en même temps que vous parce que c'est une info qui a été donnée à 14h43. Là, il est 16h42, ça fait 2 heures. Voilà, c'est juste, c'est pour ça que je vous le dis en même temps. Voilà, donc on a, c'est la Jupiler Pro League, hein, la ligue belge. Donc Bruges, qui était en tête, est sacré champion. Voilà, le classement a été gelé, voilà, tout simplement. Et c'est la première fédération qui a décidé, qui a pris cette décision-là, en tout cas dans les grands championnats européens. Est-ce C'est que... quoi le classement? Les cinq premiers, c'est quoi là, en Belgique? Ah, j'ai, alors j'ai, là j'ai que le champion, mais je peux te donner le classement, mais Ah, je peux te donner, alors ça va, t'as raison parce que ça va aussi, ça va être aussi, ça va avoir une incidence sur le, sur la Ligue des Champions, sur les... non? Alors non, justement. Justement, parce que si tu regardes les infos, il y a l'UEFA qui a menacé les clubs, Ah oui, t'as raison, oui. les Oui, clubs. Ouais. t'as raison aussi. T'as raison, c'est tombé aujourd'hui d'ailleurs. Vas-y, je te laisse Ouais. la donner l'info. Bah, l'UEFA, dans sa grande bonté d'âme, a décidé de menacer tous les pays qui arrêtent leur championnat de ne pas prendre leur club en Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, donc la Belgique a commencé par la Belgique, donc. Alors, je pense que justement, l'UEFA a balancé ça parce que la Belgique avait peut-être annoncé ça aussi, non? Ça a fait un effet boule de neige. La Belgique décide d'arrêter, donc du coup l'UEFA pour pas avoir des vagues d'arrêt, peut-être qu'ils ont dit tiens, on va balancer cette info. Ouais. Donc Christophe, pour ta, on a Bruges qui est donc champion, qui avait 15, bon, 15 points d'avance sur le deuxième. Et voilà, bon, il restait encore quelques journées, mais bon. Ensuite c'est Gent qui est deuxième, Charleroi, ensuite c'est Antwerp qui est quatrième, et c'est le Standard de Liège qui est cinq. Envers. Comme disait Coluche, faut le visiter rien pour l'endroit. Anvers, ouais. Là, Envers. je l'ai à la flamande, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Et Standard de Liège qui est cinquième. Voilà, c'était les cinq premiers. Et Donc, Anderlecht, forcément. ils sont où là? Anderlecht. Non, Alors, ils attends, sont je pas vais bien. te. Je Ils les ai sont pas. pas bien du tout. Ils sont huitièmes, Anderlecht, ils sont loin. Hein. Ah ouais, bah là, c'est bon pour eux. Ils étaient, enfin, ils étaient loin. Ils avaient 10 points de retard sur le quatrième. Voilà, bon. Voilà, donc ça, c'est les cinq premiers. Donc, voilà, la Belgique qui a décidé aujourd'hui de d'arrêter. Et donc le classement est gelé. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça ailleurs? Peut-être. Hein. Mais bon, après, si on a la menace de l'UEFA, ça peut peut-être en arrêter certains. Hein. Encore une fois, moi je rentre dans le business de Sylvain, hein, qui dit si c'est pour tout le monde pareil, si tous les championnats font pareil, pas de problème. S'il y en a qu'un qui fait comme ça et un autre autrement, ça Bah, reste compliqué. si tout le monde fait ça, l'UEFA va pas avoir le choix que de dire Ça. bah on arrête, tant pis, Ouais, parce que mais sinon. il faut que tout le monde le fasse. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, avec cette histoire de confinement, avec tout ce qui se passe, notamment les mecs qui viennent te piquer les masques sur le tarmac de l'aéroport en payant en cash, enfin bref, quand tu vois ce qui se passe entre les pays, tu vois pas comment tu vas pouvoir t'entendre sur une histoire comme ça. Ça va être compliqué entre les fédérations. Parce que tu en auras qui auront des avantages à dire, ah bah finalement, les Belges, ils savent plus, ça libère des places pour nous, etc., etc. Donc ils vont pas forcément rentrer dans le jeu. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, pour la Ligue 1, la Ligue 2, on va attendre un peu. Concernant, je parlais du rugby tout à l'heure, le rugby, on annonce a priori une finale du top 14 et de la Pro D2 pour le 18 juillet. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure aussi, hein, mi-juillet pour le foot, bah, on serait à peu près pareil pour le top 14 et la Ils Pro en ont D2. téléphoné? Pardon, on t'a pas entendu. Ils t'ont pas déjà annoncé les finalistes aussi? Non, presque. Le 3 Courageux. et ensuite le 3e du top 14 et le second de Pro D2, le 13e pardon, du top 14, mais pas le 3e bien sûr, et le second de Pro D2, il n'y aura pas de barrage en fait, hein, entre le 13e et le 2e de Pro D2, a priori. Bon, ça c'est pas officiel, hein, c'est une idée qui est posée pour l'instant. Donc on sait Ça pas veut si dire ça. quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 13e se maintiendrait Voilà. automatiquement? Voilà, il n'y a pas de barrage, oui. Tout à fait, ouais. Bah, ça fait un peu ce que tu disais tout à l'heure pour le hand, bah, une seule descente, quoi. Et Six Nations, t'en fais quoi dans tout ça là? Ah, Parce qu'il oui! On est n'en a toujours pas pas fini. reparlé de celui-là, mais oui, il est encore là. Il n'est pas fini hein, non plus, lui. Hein. Mais non, il est loin d'être fini, il reste encore pas mal de matchs, hein. Ah, non, mais bah, il reste 2 journées complètes, je crois. Ouais, Et pas pour tout le monde, mais... tous les matchs pour les Italiens, quasiment? Ouais, les Italiens, ils n'ont pas joué beaucoup, eux. Ouais, bah oui, pour l'instant le top 4, le 6 Nations, c'est vrai qu'on l'a un peu mis aux oubliettes, hein, et j'y pensais plus d'ailleurs, hein, pour être tout à fait honnête. Hein. Mais bon. Tiens, une info que je viens de voir passer qui est parée aussi dans l'après-midi, est-ce que ça vous parle Arnold Sowinski, un Ouais. joueur de Lens, enfin un ancien Ouais. joueur de Lens, ouais, Ah, mais c'est pas ton âge, non, qui était entré, ça. C'est du junior qui fait qui était entraîneur aussi du RC Lens, qui est décédé aujourd'hui à 89 ans. ça. Ouais. Cet après-midi, après le, bah, à cause du coronavirus, hein, il avait été gardien de Lens. et coach 126 joueurs, 126 matchs pardon, pardon, en tant que joueur. Il avait été sacré champion de France en D2 à l'époque, en 75. Notamment, il avait fait une finale de Coupe de France face à Saint-Etienne la même année. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance aussi, sur beaucoup de décès, à balancer ça sur le corona. Hein. Il n'y a pas que le corona non plus. Hein. Non, Il bien n'y a pas que sûr. le virus. Bien Donc, sûr, voilà. faut pas oublier qu'il y a... Bien souvent, quand tu vois les décès là, actuellement qui tombent, c'est rarement des gens en dessous de 75 ans. Hormis Pape Diouf, que je crois qu'il avait 68 ans, non, je crois. Je Ouais, dis pas de 68. bêtises. Ouais. Parlons de... Je regarde le temps, ça fait déjà une demi-heure, donc on va essayer de pas rester trop longtemps dessus. Parlons de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, prévue, pareil, cet été. Vos avis là-dessus, Christophe, peut-être, pour démarrer? Après tout, c'est des professionnels. Tu peux leur dire que oui, mais effectivement, on parlait déjà tout à l'heure des transferts et des gens qui vont être transférés. Comment tu vas faire pour les transferts? Les gars qui veulent bouger, qui veulent changer de club, comment tu fais? Eh oui. Ça va poser beaucoup de problèmes de ce côté-là. Bien sûr. Ouais, et puis il y a aussi autre chose, c'est que déjà, tu as le fait de savoir si c'est possible de le faire. Et tu as aussi l'écho médiatique. Si tu fais la phase finale de Ligue des Champions au mois de juillet, au mois d'août, ça n'aura jamais le même retentissement que si tu l'as fait comme ça doit être fait, quoi. Au mois de juillet, au mois d'août, ça va, les gens, ils auront d'autres soucis, je pense, que de savoir qui est finaliste de Ligue des Champions, quoi. Alors, il y avait, ouais, À il y mon avait, avis. on avait parlé de Final Four, de Final Eight carrément, qui pouvait être fait sur un format d'un week-end ou d'une semaine, faire une phase finale comme ça se fait maintenant au hand, ça se fait très bien. Bon, après, c'est du hand, c'est vrai que tu peux jouer tous les jours, mais ça se fait déjà au hand, un Final Four qui se fait chaque année. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être Ouais. faire ça pour, pas expédier la Ligue des Champions, mais la terminer vite, en tout cas? Ouais, mais au hand, les gens, ils ont l'habitude de ça, de ces formules-là. Et si tu le fais au foot, même l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions sur cette formule-là, dans l'esprit des gens, Il y aura ils moins. n'auront pas gagné la vraie Ligue des Ouais, Champions. il y aura moins de valeur, tu veux dire, Tu vois? ouais. Donc quelque C'est part, vrai. ça voudrait dire que tu vas au bout du truc, mais quelque part, tu dévalues ta propre compétition, à mon avis. Ouais, c'est vrai, on a aussi parlé des matchs, un match unique sur terrain neutre. Enfin, il y a eu pas mal d'options proposées. Mais c'est vrai que. Après, c'est vrai que ça a peut-être. Moins, pas moins de valeur, mais. Il a moins de goût, le trophée, peut-être. N'oublie pas une chose, c'est qu'il y a aussi l'histoire des droits télé, des droits de retransmission avec les Coupes d'Europe. Il y a aussi une question d'argent. Si tu divises les matchs par deux, ça va pas être la même chose pour eux. Hein. Bien L'UEFA, ils sûr. vont pas être. Ouais. Ça va largement plomber leur budget. Hein. T'as Donc d'ailleurs, il faut voir tout ça. Hein. tu parles de diffusion, Canal et beIN qui ont décidé d'arrêter leur paiement pour l'instant. Hein. Vous l'avez vu aussi sûrement. Hein. Ouais, les droits télé. Ouais. Le droit télé, ouais. D'ailleurs, c'est Nathanaël Khalifi qui aurait pris le truc en main là, pour justement négocier avec les chaînes télé, avec Canal et avec beIN. Il y a, je D'accord. crois, quatre présidents de club, je crois, qui sont rentrés dans la danse là, et c'est Nasser qui a pris le truc par les cornes, le taureau par les cornes. C'est lui qui va lancer le bal et qui va commencer à discuter parce que bon, je pense qu'il est un peu mieux placé, c'est vrai. Avec beIN, je pense que il est plutôt pas trop mal placé pour parler avec eux. Donc voilà. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça reste compliqué. Honnêtement, ça reste très Ouais, bien compliqué. sûr. L'histoire de gros fou, ça. Il y a une info aussi qui est tombée aujourd'hui, on parlait du rugby tout à l'heure, donc top 14 et Pro D2. Donc les formats de ces deux compétitions seront les mêmes l'année prochaine, hein, ça vient d'être donné aussi. Donc top 14 va rester à 14. On avait pendant un temps évoqué un top 15, un top 16, mais non. Et pareil pour le Pro D2, ça va rester, donc ça bougera pas l'année prochaine. Et en tout cas, pour ces deux compétitions-là, on est convaincu qu'on ira au bout. Hein. Mais bon, c'est peut-être un peu présomptueux, mais on verra. Très bien, on va passer au sujet suivant, qui est. Alors, on va peut-être parler de. On l'a dit rapidement tout à l'heure, mais où est-ce qu'on joue en ce moment? Bah, tu l'as dit, Sylvain, on joue en Biélorussie, qui n'a Ouais, pas en du tout, Biélorussie. En qui comme Australie qui aussi. en Australie, bien, ouais, tout à fait. Donc, en Biélorussie, on joue au foot et on joue au hockey sur glace. Alors, on a repris le championnat il y a presque un mois au foot, comme si de rien n'était. Hein, évidemment, il y a des joueurs qui n'étaient pas d'accord, mais le championnat a bien repris comme prévu. Et pour eux, on n'est pas, y a pas de crise hein, finalement en Biélorussie, on a l'impression. C'est surtout qu'on n'a pas trop les infos sur Oui, la crise. c'est ça. Ouais. La Russie, on a arrêté il y a, je crois, 2 ou 3 semaines, et on a reporté aussi la reprise. Donc en Russie, on prend plutôt le sujet au sérieux. Hein. Et c'est vrai qu'avec le président Poutine qui a une politique particulière qu'on connaît, bon, ça peut, on sait que c'est un petit peu plus compliqué en Russie. On parlait aussi d'ailleurs des salaires des joueurs. Il y en a beaucoup qui ont. Alors, des joueurs ou des clubs qui ont décidé. Tout à l'heure, j'ai vu passer il y a quelques secondes une info concernant la Manchester United qui a décidé de reverser 30% de leur salaire. Mais alors, en tout cas, en Angleterre, les discussions, ils ont du mal à se faire hein, sur pas le gel du salaire, mais la réduction du salaire. Hein. Vous l'avez vu sûrement ça aussi. Les discussions en Angleterre. Christophe, Sylvain? ou Non, Sylvain? s'il y a quelque chose à dire. On n'entend plus Sylvain, il est coupé. Sylvain, il est figé. Je crois qu'on a perdu Sylvain. J'ai On a perdu l'impression. Sylvain. Il y a des Ouais. problèmes de connexion là, chez vous. Hein. Ah ben on l'a Ah perdu. ouais. Bon On a perdu Sylvain. bah. On mettra un peu de musique, on va relancer le truc. On va se retrouver dans un instant pour la suite, puisqu'on va essayer de reprendre Sylvain. Tiens, Christophe, puisque tu es encore avec moi, qu'est-ce que tu. T'as un titre peut-être à proposer. Il t'avait mis un petit Metallica, je crois, tout à l'heure, hein, j'avais vu. Qu'est-ce qu'il avait mis, Sylvain, Metallica? Ah, je l'ai pas vu alors. Ouais. Nothing else Alors, bah, c'est parti. Alors, bah, on va lancer ça. Et on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. Il sera question, donc on parlera des salaires des joueurs et des clubs, on en a parlé. On parlera des reports de l'Euro, des Jeux de Tokyo. On aura aussi le débat, tiens, qui a fait parler il y a quelques jours, Benzema Giroud. Ce sera un petit moment un peu plus léger. Ça Et puis, on parlera des disparitions des grandes figures du sport aussi. Il est déjà, j'allais dire, j'allais donner l'heure, mais ça fait déjà presque 40 minutes d'émission, donc on va accélérer, parce que. va Pardon? bientôt minuit. Bientôt minuit après, c'est ça, ouais. Donc c'est parti pour Mecon Metallica. On se retrouve dans un instant. A tout de suite, les amis. Voilà, c'était Metallica avec Nothing Else Matter, reprise et retour pour la deuxième partie. Alors, on n'a pas récupéré malheureusement Sylvain, qui a des soucis visiblement. Il semble avoir un problème apparemment avec son micro. On va voir, il va essayer de relancer son ordi pour voir. Bon, on va poursuivre tous les deux. Du coup, on était. Tiens, une info qui est. On parlait du championnat belge et. Des menaces de l'UEFA, donc c'est pareil, une info qui est tombée il y a même pas une demi-heure concernant la ligue et la fédération belge qui ont échangé avec l'UEFA, voilà, puisque évidemment avec cette menace d'exclusion, eh bien les instances belges qui ont souhaité s'expliquer avec l'UEFA aujourd'hui, donc on verra si on a des infos un peu plus poussées dans les prochains jours. Voilà, on parlait aussi, tiens, bah je lis les infos en même temps, donc je donne les infos qu'on a en direct depuis depuis pareil dans la dernière heure. L'US Open de golf qui a été reporté en décembre, qui devait avoir lieu au mois de juin, voilà, notamment on a pareil, il y a certains grands tours, alors pas le Tour de France pour l'instant, mais il y a des tours qui ont été reportés. Tu as dû le voir aussi, Christophe. Tour de Lombardie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tour de Lombardie, ouais, tout à fait. Je n'ai pas tout regardé, mais ouais, j'ai vu. De toute façon, pour tout avouer, je regarde plus tout détail par détail parce que je me dis que de toute façon, tout va être annulé. Tout ce qui est actuellement va être annulé ou reporté, mais il n'y aura rien qui va se passer. Donc, ouais. On va être à l'arrêt complet pour tout, vraiment pour tout. Je suis même surpris que ce championnat continue en Biélorussie. Oui, c'est étonnant. Ouais. Au Japon, la ligue de rugby a été annulée aussi. Elle devait reprendre. C'était le début. Elle a été en tout cas reportée en janvier. On parle du Tour de France tout à l'heure. On peut en parler un petit mot là. On a évoqué un huis clos. On a aussi une. C'est possible à faire. Hein. C'est compliqué à faire. Hein. C'est vrai qu'on avait discuté déjà en. Il faut être débile pour raconter une connerie pareille. Excuse-moi. Je suis pas très poli là, mais faut vraiment être débile. Quand t'es ministre des Sports, tu dois quand même savoir qu'un Tour de France, c'est impossible à gérer en huis clos. Comment tu veux gérer ça? Déjà, le Paris-Nice est passé à Chalette-sur-Loing il y a 15 jours, 3 semaines. Là. Ils avaient arrêté en fait les étapes. T'avais pas le spectateur à moins de 300 mètres de la ligne d'arrivée et de la ligne de départ pour le lendemain matin. Et finalement, certaines personnes que tu connais aussi, que je connais bien à Chalette, là-bas, ont fait des photos, sont allés voir à la rencontre des coureurs. Au niveau des bus qui étaient placés à 300-400 mètres de la ligne. Donc, je vois pas l'intérêt d'empêcher les gens d'aller sur la ligne, alors que tu peux les voir au bus à 300 mètres de là. C'est complètement nul, c'est zéro. Et ça va être pareil pour le Tour de France. Comment tu veux empêcher les gens en race campagne d'aller au bord de la route? Impossible. Alors, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et d'ailleurs tous les maires à proximité du parcours font front contre ce huis clos. Hein, donc, a priori. Impossible. Honnêtement, je te le dis, c'est ingérable. C'est ingérable ça. Le Tour de Suisse. Il pourrait pas y arriver de toute façon. Ouais. Le Tour de Suisse qui était prévu en juin a été lui aussi annulé hein, et pas reporté. Mais c'était aussi bien. Soit tu fais, soit tu fais avec les spectateurs, soit tu fais pas. Mais c'est impossible à faire à huis clos. Comment tu veux faire ça? T'es pas dans un stade de foot, c'est pas un espace clos. Un huis clos, c'est dans un espace clos, c'est pas dans un espace public. Les grands pareil, tout ce qui est Grand Prix, que ce soit Formule 1, MotoGP, MotoGP, le Grand Prix de France a déjà aussi été annoncé reporté. Pareil pour WRC, la Formule 1, pareil, les Grands Prix sont reportés ou même annulés les uns après les autres. Hein. Voilà, l'US Open, on a parlé de golf, prévu, voilà, reporté aussi. Voilà. Ah, on a récupéré Sylvain. Ça y est. Désolé, les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends bon. Pas. En tout cas, on a évoqué pas mal de reports, d'annulations pendant ton absence. Hein. On n'a pas poursuivi, on a donné. Tiens, en tennis, on pourra parler aussi un peu de tennis, mais évidemment, on a eu l'annulation de Wimbledon mercredi. C'est la grande annonce côté tennis. Wimbledon qui avait jamais été annulé. Depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, vous rendez-vous compte. Donc voilà, Wimbledon, c'est terminé pour cette année. Roland Garros, on en avait parlé aussi, lui n'a pas été annulé, mais reporté au mois d'octobre, septembre-octobre, à cheval. Alors, ça, d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais ça a fait beaucoup de bruit, en tout cas de l'annonce de ce report de la part de Roland Garros, puisque Roland Garros, le tournoi ne s'est pas concerté avec les autres tournois. Et l'ATP notamment, et ça fait beaucoup de bruit parce qu'évidemment on n'est pas d'accord pour beaucoup de tournois qui va se retrouver en même temps que le Roland Garros. Évidemment, bah, ça change beaucoup de choses sur la programmation. Ouais, j'ai vu ça et après Roland Garros a été reporté, mais rien ne dit qu'il aura lieu quand même, hein. Exactement. L'US Open, pour l'instant, est maintenu, mais c'est pareil, on n'est pas à l'abri qu'il soit annulé. Et pour beaucoup, on parle déjà d'une saison blanche, hein, côté tennis, hein. Ouais, parce que la difficulté supplémentaire du tennis, c'est que ça implique des mouvements sur toute la planète des joueurs. Oui, et c'est ça le Voilà. problème, oui. C'est que ça va, parce que autant ici en Europe, on espère en tout cas de terminer le confinement de mai, mais qui dit que dans le reste du monde, ça ce sera pas plus long. Et t'as raison, c'est que. Ouais, et puis, alors déjà, dans un pays comme les États-Unis, on ne sait pas ce qu'il sera au mois de septembre. Ouais. Et en plus, le tennis, autant un championnat de foot, un championnat national, les équipes, elles restent dans leur pays. Oui, ouais. Mais sur un tournoi du Grand Chelem, les mecs, il faut qu'ils viennent de tous les coins de la planète. Ça Tout veut à dire fait. ça veut dire qu'il faut que toutes les frontières soient réouvertes entre les pays, ce qui est loin d'être gagné. Hein. Ouais, donc a priori au tennis, on est loin de reprendre. Donc Wimbledon, ça a fait évidemment beaucoup réagir, notamment Roger Federer qui lui a annoncé d'ores et déjà qu'il serait. Alors pareil, il devait aussi jouer les Jeux Olympiques pour la dernière fois, et ça a été reporté, on en parlera après. Et il a annoncé déjà que l'année prochaine, il serait à Wimbledon, ça veut dire qu'il va refaire une saison. Il aura 40 ans, quasiment, au moment de Wimbledon l'année prochaine. Mais il a annoncé qu'il ferait une saison, alors une saison peut-être pas complète, mais qu'il sera à Wimbledon. Et qu'a priori, bah, lui, il a envie de jouer encore les Jeux et il irait peut-être pousser jusqu'aux Jeux. Donc voilà, il aura 40 ans au moment des Jeux, Roger Federer, et il va continuer sa carrière. Bon, on a évoqué souvent son cas. Il est un peu à part, hein, Roger Federer, hein, les gars, quand même. C'est un ovni, hein. Dans le tennis, c'est un ovni, hein. Même dans le sport, hein, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Alors, il y en a qui ont joué. On pense à Jimmy Connors qui avait joué jusqu'à 44 ans. Mais c'est vrai qu'à 38 ans, il était déjà sorti du top 10. Et il faisait plus de gros résultats. Vous qui connaissez peut-être un peu plus cette période-là que moi. Aujourd'hui, Roger Federer, il est numéro 4. Et encore, il est numéro 4 parce qu'il a perdu des points dernièrement à cause de sa blessure. Mais normalement, il devrait être numéro 3. Il pourrait être numéro 3. Donc il est vraiment performant malgré l'âge. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bah, ça pose le problème aussi de tous les grands champions qui voulaient arrêter cette année-là. Par exemple, tu avais au hand, tu avais Lucas Ballot qui voulait arrêter. Oui. Et qui a dit lui-même que bah non, il va pas terminer sur une saison comme ça, il va refaire un an en plus pour partir un peu en beauté, quoi, pour pas terminer sur une saison gâchée comme ça. Comme l'a fait Fourcade, par exemple. Ouais, raison. Lui qui Ouais. arrête sur un titre, sur un globe. C'est vrai qu'on en a pas reparlé de Martin Fourcade parce que on avait déjà terminé, on pouvait plus faire Ils avaient tout l'émission. annulé, la fin. Donc, la Pardon? dernière étape est annulée. C'était quoi? C'était en Norvège, c'est ça, la dernière? À Oslo, ouais, mais on n'avait qu'une très belle dernière étape en Finlande. Et bon, il n'y a pas eu de titre pour Martin Fourcade, mais il y a eu une victoire pour finir. Et c'était encore une très très belle saison pour toute l'équipe de France. C'est vrai qu'on n'a pas pu reparler de ski avec aussi Alexis Pinturault qui a raté le. Enfin, qui a raté. Qui aurait pu presque être champion, qui aurait pu remporter le Gros Globe et qui a vu la dernière étape être annulée. Et donc, bah, voilà, malheureusement pour lui, il n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout. Bon, ça fait partie du jeu et il sera là l'année prochaine. Enfin, en tout cas, l'année prochaine, la saison prochaine, avec l'ambition de pourquoi pas y arriver cette année. Donc, on parlait de. Oui, donc c'est vrai, on parlait de hand avec Lucas Ballot. D'ailleurs, le tournoi de qualification olympique est d'avoir lieu ce mois-ci, évidemment, il a été reporté. Alors, comment ça va se passer puisque les Jeux, ce sera l'année prochaine. Est-ce qu'on va faire jouer le TQO cette année? Est-ce qu'on va attendre l'année prochaine? Comment on peut. Personne ne sait. Personne ne sait, hein. Mais Personne ne sait. Et au-delà de ça, pour l'équipe de France, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisque l'équipe de France, elle était déjà un peu vieillissante. Ouais. On pense à Lucas Ballot qui va avoir 39 ans, Karabatic qui va avoir 36 ans. Il y a 4 ou 5 joueurs comme ça qui ont entre 35 et 39. Je pense qu'ils avaient dans l'idée de finir cet été-là, au moins en équipe de France. Il va falloir faire un an de plus, ce qui va être, ça va quand même commencer à faire beaucoup, quoi, par rapport au titulaire. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je te laisse Non, terminer. vas-y, vas-y. Non, oui, c'est vrai que, évidemment, l'année prochaine, le TQO, légitimement, peut se dire qu'il aura peut-être lieu à la même période, en avril. Bah, les joueurs, et t'as raison, ils ont un an de plus. Alors. Bah, c'est pas tellement le TQO qui m'inquiète. Le TQO, il est à domicile, normalement, on devrait passer. Et les Mais jeux, sur ouais. toute une compétition avec une équipe 35-39, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. On aura des joueurs de 36, 37, 39. Ça commence à faire sur une compétition comme les JO, c'est beaucoup, hein. Ah ben, il y en a que ça va arranger, les plus jeunes, ça va les arranger, hein. Oui. Et Ceux qui ont pris les places. pour ceux qui on pense aux jeux, on parlera des jeux en détail tout à l'heure, mais qui n'ont pas pu se qualifier. Alors ceux qui étaient qualifiés restent qualifiés hein, d'ailleurs, mais ceux qui n'ont pas pu se qualifier par les biais des minima, bah ça leur donne une chance supplémentaire finalement. Ouais, Eh ce oui. qui n'est pas tellement normal en fait, hein, Bah non. si on réfléchit. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors on était avant de se quitter, enfin avant que Sylvain nous quitte sans le vouloir, sur les salaires des joueurs. Alors tout à l'heure j'avais une info concernant Manchester United qui décide de reverser 30%, tiens, j'ai l'info là qui est tombée il y a 1 heure, 30% de leur salaire aux hôpitaux et services de santé. En tout cas, en Angleterre, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur si c'est le cas un peu partout en Europe, dans les différents championnats, de baisser les salaires. En Angleterre, les discussions ont du mal à se faire. Hein. J'ai Ils pas font rien trop comme suivi. les autres. Hein. Pardon? Ils ne font jamais rien comme les autres, les Anglais, de toute façon. Sylvain, tu disais. Ils ont Alors, les je sais bras pas. à gauche, c'est pas normal chez eux, ils vont pas bien. Ouais, non, je disais qu'en Angleterre, j'ai pas trop suivi. J'ai juste vu que la Juve, les joueurs avaient renoncé à une partie de leur salaire pour permettre de payer tout le personnel administratif, d'entretien du club et tout ça. Tout à fait, Voilà. ouais. Certains, ouais. Beaucoup, beaucoup ont fait ça. Beaucoup de dirigeants, d'ailleurs pas que dans le sport, mais dans beaucoup de grandes sociétés. Mais pour l'instant, bah, tu le disais, Christophe, on fait rien comme les autres en Angleterre. Et pour l'instant, on a du mal à se mettre d'accord sur une baisse de salaire. On a vraiment beaucoup de mal. Hein. On verra si ça peut s'arranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà pour ce programme-là. Ensuite, on a alors le report de l'Euro 2020. Je voulais aussi en parler. Le report de l'Euro 2020, il était, bah, je pense, vous allez d'accord avec moi, presque indispensable, puisque c'était insensé de jouer en juin. Je te rappelle quand même que l'Euro 2020, ça devait se jouer dans le même pays différent. Bah, 13, 14, 15 pays? Voilà, un truc comme Oui. ça, donc ce qui fait que Oui. c'était quasiment inenvisageable, impossible. Je sais pas comment tu aurais pu faire, parce que là c'est carrément les gouvernements qui n'auraient pas été d'accord. L'un ou l'autre n'aurait pas été d'accord, ça aurait tout mis dedans. C'est très très compliqué, là. Oui, là, enfin, pour vous, c'est logique, c'est normal Ouais. d'avoir reporté, hein. On est d'accord. Complètement. Sylvain. Ah, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. 16 pays, ouais, puisque c'est la 16e édition et on devait jouer dans 16 pays. Par contre, tu vois, tiens, on dit là sur ton truc de parler de ça, du report. Je préparais hier une interview pour mon prochain magazine. Je préparais une interview que j'ai envoyée à quelqu'un qui s'appelle Florian Thauvin, où je lui ai posé une question. J'attends retour, hein, j'attends son retour. Et je lui ai posé la question, justement, où je lui demande bah, finalement, est-ce que toi, ça va pas t'arranger, finalement, ce report? Mais oui. Puisque. Il revenait de blessure, il n'a pas joué de la saison, hein, faut le rappeler. Hein. Il n'a pas joué de la saison avec Marseille. Il revenait tout juste là, et donc bah, finalement il va pas rejouer, ou il a rejoué quelques matchs, on ne sait pas quand. Et finalement, bah, il aurait très certainement raté l'Euro. À 95%, il aurait raté l'Euro. Et finalement, bah, un an de plus, lui, ça va bien l'arranger certainement. Bah pour Donc beaucoup, oui, qu'on fait des j'attends de parler. saisons. Pour certains, qu'on fait des saisons moyennes. Thomas Lemaire, on pense qu'il a été beaucoup blessé et il était légitimement pas hors course, mais presque. Il y en a d'autres hein, que j'oublie là, mais qui évidemment vont arranger. Et puis pas pour d'autres, bah, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Sylvain. C'était peut-être leur dernière chance. Et que l'année prochaine, bah, ils auront un an de plus. Et peut-être qu'ils feront une saison moins bonne qu'ils ont fait, en tout cas jusque-là, pour certains. Et que bah, l'Euro, ça va peut-être leur passer sous le nez. On verra en tout cas. Mais donc l'Euro 2020, ce sera du 11 juin au 11 juillet 2021 en fait, puisque en fait Ouais. ce sera l'Euro 2021. A priori, il va changer de nom. Hein. Ah bah justement, parce que ça me paraissait tellement ridicule d'appeler ça Euro Alors 2020. c'est pas tout à fait acté, mais une info d'abord qui disait que c'était acté, puis finalement on a rétropédalé en disant c'est pas sûr, mais a priori quand même on devrait changer le nom du championnat d'Europe. Donc c'était du Ouais, 12 juin. mais imagine-toi là encore une fois dans ce genre de cas. Tiens, on aurait bien vu Sylvain, non, il bouge plus. Ah, je suis là, je suis là. Alors, je croyais que tu Non, voulais pas plus. encore. Non, il faut bien comprendre aussi, c'est que l'Euro 2020, il arrivait, là, c'était dans très peu de temps. Il y a certainement beaucoup de choses qui ont été préparées. Alors, la billetterie, bien évidemment, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout la globalité, c'est-à-dire tous les packagings qu'il va y avoir, c'est n'importe quoi, hein, mais les porte-clés, les Ouais, bien autocollants, sûr, ouais. Ouais. et tout ce qui peut être vendu à côté, tout ce Produits qui est fait, dérivés, ouais. des dérivés, les produits dérivés, et tout ça, comment ils vont faire? Tous les maillots ont déjà dû être imprimés. Les maillots avec l'équipe de France, par exemple, marqués 2020, toutes les équipes qualifiées marquées 2020, et aujourd'hui, bah, ils n'ont plus qu'à recommencer, quoi. Là aussi, c'est une question d'argent. Là aussi, ça va être compliqué, hein, tout Ouais. ça. Mais déjà, tu peux commencer à trouver tous les t-shirts. Les mugs Euro 2020, tu peux déjà les trouver quasiment à moitié prix. Il y a des sites déjà Ah qui les ouais? proposent. Ah, Ouais. tu m'étonnes, ça va être des collecteurs, hein. Bah Ah oui, tu m'étonnes. Ceux-là, ça va être des collecteurs. Alors, ils. les mugs de championnat qui s'est jamais joué, c'est bien, hein. Il y en a qu'en Euro 2020 et puis il y en a qu'en Euro 2021. Donc c'était du juin ou du juillet. Ce sera 11 juin ou juillet. Oh, bah, il y a un jour d'écart, mais ce sera 2021 donc. A priori, ça bougera pas sur les lieux. On aura les mêmes villes. Je vous les donne à la volée comme ça. Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Bilbao, Budapest, Dublin, Rome, Amsterdam, Bucarest et Saint-Pétersbourg. Voilà, donc les 16 villes qui avaient été choisies et une phase finale à Londres, hein, à Wembley. Ah, on a perdu, pas Sylvain, mais Christophe, je crois. Et Sylvain, ah, on a perdu les deux. Voilà, les deux on perd, ouais, sont partis malheureusement. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc on a récupéré Christophe et Sylvain. Il y a eu un gros souci de technique, mais c'est reparti. Donc Christophe et Sylvain sont bien avec nous. Donc on était sur l'Euro 2020. Donc je sais pas si vous avez pu continuer votre débat de votre côté, mais en tout cas, je sais pas ce que vous êtes dit d'ailleurs pendant cette Chose, même chose. plein de belles choses. On disait, Bah, ouais. Non, on disait simplement que en un an et demi, parce que maintenant ça va quasiment être dans un an et demi l'euro, dans 15 ou 16 mois, il peut se passer beaucoup de choses, même au niveau sportif. La hiérarchie européenne telle qu'elle est maintenant, dans 15 ou 16 mois, il peut se passer beaucoup de choses, hein, tout peut changer très très vite. Christophe? pareil. Non, c'était ça, d'accord, vous avez dit, d'accord. Tu m'as fait un résumé en fait, Sylvain. Ouais. Non, mais il a fait un peu le résumé de ce qu'on s'était dit. Voilà. Ouais, d'accord. Bon. En fait, les choses vont être complètement changées, quoi. Oui, mais c'est vrai que bien sûr, ça va changer pas mal de choses, ce report, mais à mon sens, et je pense que vous allez sûrement être d'accord, il était indispensable ce report quand même. C'était trop tôt, en fait. Bien sûr. Ça arrivait trop tôt. Hein. Autre événement qui lui arrivait plus tard, mais qui a été reporté, c'est les Jeux Olympiques, bien entendu, de Tokyo. Je voudrais avoir votre avis aussi sur le report, enfin pas sur le report, mais sur la date de report. Est-ce que pour vous, il y avait trois options qui avaient été envisagées hein, par le comité olympique. D'abord, de reporter de quelques semaines, voire de quelques mois, celui de reporter à l'année prochaine, ce qui a été décidé, et celui de reporter dans 2 ans et de combiner la même année les Jeux d'hiver, Jeux d'été, ce qui se faisait en fait à l'époque. Hein. Jusqu'en dans les années 90, je crois que c'était comme ça, et après on a arrêté. Mais est-ce que, pour vous, vous êtes plutôt d'accord avec cette option d'avoir reporté d'un an, ou est-ce que vous aurez peut-être choisi de reporter de, je sais pas, 2 mois ou 3 mois? Christophe, tu démarrais, ou Sylvain? Sylvain, je vois que Vas-y, comme ça. t'es prêt à partir, Sylvain. Ça te bloque? Non, moi j'ai sur le fait de reporter, pour moi c'était évident. Ne serait-ce que pour ce qu'on disait tout à l'heure, ça sera impossible au mois d'août de voyager dans le monde entier. Pour Oui. moi. Voilà, déjà, donc là, t'as pas le choix. Et puis après, de 1 ou 2 ans, j'avoue que avoir la même année les JO d'hiver et les JO d'été, moi je trouve ça sympa, mais voilà, c'est purement personnel. C'est vrai que ça se faisait avant, oui. Enfin, moi, je l'ai pas vécu, hein, personnellement. Mais avant, c'était comme ça, en fait. Il y avait la même année, on avait les deux. Mais bon, c'est vrai que ça peut être sympa. Ce qui veut dire qu'après, pendant 4 ans, t'as plus rien, quoi. Ouais, mais t'as plus rien, mais t'as pas de Coupe du Monde de foot non plus pendant 4 ans, Oui. et ça va. Ça marche bien, ouais, c'est vrai, t'as raison. Christophe, ton avis? J'ai pas d'avis là-dessus, je préfère les laisser décider pour moi. C'est aussi bien comme ça, c'est leur travail. C'est de toute façon, quoi qu'il en soit, les JO, tu les verras. Remettre les JO dans 2 mois ou dans 3 mois, ça va vouloir dire aussi que les préparations physiques de chaque athlète vont être complètement foutues en l'air. Chamboulé, oui. Ils se présentent au top. En général, ils ont prévu un planning d'entraînement pour être au top au moment voulu, à l'instant T. Et là, ils vont tout décaler 2, 3 mois, 4 mois. Donc, il va falloir tout recommencer. Ça va être un vrai cirque. Pareil pour si c'était dans 2 ans. Donc, pars d'un principe, lorsque tu es en temps de guerre, puisque Macron nous a dit qu'on était en guerre, hein, lorsque tu es en temps de guerre, bah, les JO ou d'autres compétitions sont carrément annulées. Je partirais plus du principe qu'il faut les annuler. C'est tout. Et pas les reporter, pour toi ? Non, non, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas les, carrément les annuler ? Même si ça va faire des déçus, parce que tu as des gens qui, on parlait de l'âge tout à l'heure, notamment, et là, encore plus 4 ans, ça fait lourd. Mais même 2 ans, hein, c'est exactement pareil. Hein. Quelqu'un qui est à 38 ans là aujourd'hui, qui sera à 40 dans 2 ans, comment tu veux qu'il aille au JO à 40 ans ? Ouais, ouais. Tu as encore des anciens, hein, sur certains sports, tu as des anciens qui arrivent encore à être présents, à 30, 36, 37, 38 ans, mais à 40, ils ne seront plus là. Hein. Oui, c'est vrai. Alors la question qui se posait tout à l'heure, on en a parlé, c'est le maintien des qualifiés qui étaient déjà qualifiés et le fait de pouvoir laisser une deuxième chance bah, aux autres, en fait, qui avaient raté le coche. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'on laisse leur chance encore ou on aurait dû stopper carrément, dire bah, voilà, ceux qui étaient qualifiés, ils sont qualifiés et point à la ligne, on garde ceux-là, quoi. Alors moi, personnellement, j'étais partisan de faire ça, de ceux qui étaient qualifiés et les autres, tant pis pour eux. Et après, tu t'aperçois qu'en France, tu as certains athlètes voilà, qui poussaient un peu aux fesses pour être polis, pour que les JO soient reportés, notamment Kevin Mayer, qui lui n'était pas qualifié. Voilà. C'est vrai. Et qui avait un discours qui, moi, m'a pas trop plu. Il a été parmi les premiers à appeler au report pour des raisons très intéressées pour lui, quoi. Oui, évidente, oui. Voilà. Christophe ? C'est logique. Je pense que c'est logique. Hein. Alors, vous allez me dire que ce soir, je vous parle beaucoup d'argent. Hein. Mais là encore, hein, c'est question de sponsors. Le gars, s'il fait pas les JO, t'imagines comment il va perdre des sponsors. Alors que là, avec les JO, bah, derrière, il ramasse. Hein. Donc là, encore une fois, ça rapporte encore, ça nous ramène encore à l'argent. Et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, hein, dans tous les sports, on le sait. Hein. Dans le football, dans le basket, on pourra parler de NBA aussi un peu si tu veux après. Mais, oui, mais tout oui. Ça, c'est pareil. Il y a tellement de gros enjeux. Aujourd'hui, les fédérations, et notamment la fédération de football, aujourd'hui, en France notamment, ils sont pas prêts à arrêter le championnat parce qu'ils aimeraient bien reprendre. Pour des questions d'argent, hein, c'est clair. C'est clair. Si c'était qu'une question sportive ou une question humaine, ou de santé, il y a longtemps que c'est vrai qu'ils auraient dit on reporte à l'année prochaine, c'est fini, l'année est terminée. Il y a longtemps que ce serait déclaré. Et ils veulent pas le faire non plus dans les championnats amateurs, parce que je pense qu'ils ont peur de laisser trop de clubs sur le carreau. Et c'est surtout ça qui leur fait peur. Je pense qu'ils ont peur qu'il y ait trop de clubs qui se rabassent, puisque tu sais, vous le savez comme moi, les gars. Hein, en fin de saison, il y a des tournois qui sont organisés, il y a plein de choses qui sont organisées et qui permettent aussi à ces petits clubs de ramasser un peu d'argent et de subvenir aussi un peu à leurs besoins. Et là, aujourd'hui, ils vont être privés de tout ça. Et comment ils vont faire l'année prochaine pour se relancer ? Ah ouais, ça va être compliqué. Les tournois du mois de juin, ouais, ça va faire mal. Si on peut pas les faire cette année, ça va faire mal, c'est clair. Ah mais ça va faire très mal. Si tu joues les championnats en juin, tu vas faire comment tes tournois ? Tu vas les faire caser où ? Où est-ce que tu vas les caser ? Les tournois de Pentecôte, tout ça, quand est-ce que tu vas le caler ? Ouais, tu peux plus jouer après, tu peux plus faire tout ça. Tu vas plus les caler, tu vas avoir des championnats, le championnat reprend, tu vas avoir des matchs, des journées de championnat partout, voire même 2 journées de championnat dans la semaine, voire même 3 journées de championnat dans la semaine. Comment tu veux faire avec des jeunes qui sont en train de réviser ? Alors si tu me dis que le bac c'est réglé, c'est très bien, mais bon, il y a aussi des gens qui vont partir en vacances. Comment tu vas faire en plein mois de juillet pour dire il faut être là 3 fois par semaine, pour jouer 3 matchs par semaine ? Ça va être compliqué. C'est pas gérable, oui. Ils n'ont pas été habitués à ça. Un amateur, c'est on joue le dimanche ou le samedi. Oui, mais là encore, c'est ce que je vous dis, c'est une question d'argent. Tout ça, c'est une question d'argent. S'il n'y avait pas cet argent dans le truc, et si les clubs étaient en difficulté comme ils le sont pour beaucoup aujourd'hui, hein, on le sait, hein, tu le vois déjà quand tu leur fais payer des amendes au niveau du district de football, il y en a la moitié qui gueule parce qu'ils n'ont pas forcément tout l'argent qu'il faut pour payer les cartons et compagnie. Mais si tu leur enlèves cet argent l'année prochaine en début de saison, comment ils vont faire les gens ? Comment ils vont faire pour repartir ? Donc c'est pour ça que pour l'instant, je pense que c'est surtout pour ça qu'ils hésitent à tout stopper, ouais. À tout arrêter, tout simplement. Pour finir avec les jeux, donc 23 juillet au 8 août 2021, donc les dates c'est sensiblement les mêmes. Hein. On n'a pas changé comme l'euro, hein, on a gardé à peu près les mêmes dates à un an près. Donc pour ces jeux de Tokyo. Et finalement, bah, on aura, bah, en fait, que ce soit les jeux ou le foot, hein, on aura bah, 2 compétitions à 2 ans de suite. Hein, on aura les jeux. Bah, alors, les jeux, c'est un peu différent parce que ce n'est évidemment pas les mêmes sportifs, les mêmes athlètes. Mais pour le foot, on aura l'Euro et la Coupe du Monde qui vont s'enchaîner. Hein. Est-ce que ça peut changer quelque chose, ça, cette optique-là ? Oui, pour certains, oui. Un petit joueur comme Mbappé, par exemple, ouais. qui sera aussi bien avec l'équipe olympique qu'avec l'équipe de France. Ça va lui cumuler deux championnats, deux compétitions comme ça de suite. Oui, ça va changer sur ces gars-là. Il fera pas tout, il peut pas faire tout. Oui, mais justement, donc ça va forcément changer les choses pour lui. Ouais, Il va ouais. falloir faire un choix. Ouais, bon, on en reparlera dans un an, un peu plus même. Donc ces jeux d'été. Tiens, tu me parlais de NBA là et je voudrais qu'on en parle justement. Concernant le basket en France en tout cas, la décision n'est pas prise encore pour la Pro A, enfin la Pro A, la JP Elite. Et la deuxième division, on attend encore, on est encore en attente aussi et on discute. Qu'en est-il en NBA? Alors, la NBA, c'est toujours à l'arrêt pour l'instant. Il nous parle peut-être de reprendre pour les playoffs, de reprendre au moment des playoffs, d'arrêter de geler les championnats et de prendre avec les équipes qui sont en place pour faire des playoffs. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de décidé, donc on est encore un petit peu dans le vague pour le moment. Mais bon, déjà, semble-t-il, certains joueurs, notamment c'est le cas de Rudy Gobert qui avait été l'un des premiers touchés par le coronavirus, semblent en guérison. Donc apparemment, ça va beaucoup mieux pour lui. T'en as d'autres aussi qui étaient touchés et qui apparemment vont mieux, mais il va falloir, parce que les États-Unis, ça reste les États-Unis. Ils cherchaient à un moment donné un endroit, je crois, pour faire un genre de play-off en un seul endroit, en un seul et unique endroit, où toutes les équipes se retrouveraient au même endroit. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais c'est très compliqué. Pour l'instant, on est loin d'y être. Hein. On est loin d'y être. Mais on sait que les Américains, ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. L'habitude. Les crises, oui. Les grosses crises comme ça, ils ont plus l'habitude que nous de gérer ce genre de choses. Ils sont plus, c'est tellement immense les États-Unis que voilà, c'est tellement gros que je pense qu'ils vont pouvoir y arriver. Mais là encore, on parlait tout à l'heure d'argent encore une fois. Hein, mais là, il y a tellement de poignons en jeu dans cette NBA, il y a tellement d'argent en jeu là, et notamment là en NBA, que quand tu connais les salaires des joueurs et tout, il y a tellement de trucs en jeu que là, c'est impossible que ça se rejoue pas. Je sais pas quand ils vont le faire, mais il va falloir qu'ils le fassent à un moment donné. S'ils arrêtent tout, ça va faire une catastrophe. Il va y avoir des clubs qui... Il va y avoir un sacré bazar. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, on ne peut rien dire. Hein. Il faut attendre que ça se joue. Ou que ça ne se joue pas, d'ailleurs. Mais il faut attendre des décisions. On est complètement tributaire de leurs décisions. Oui. Et certains bah, font attendre. Hein. On le disait avec le foot, bah, encore mi-avril, ça fait encore... C'est de la patience. Il faut être patient. Très bien. Bah écoute, on verra pour la NBA, du coup. On a parlé du tennis, on a parlé du rugby, du basket. Le hand aussi, on en a parlé, bien sûr. Pareil sur les compétitions mécaniques, hein, bah, on le disait, en MotoGP. La Formule 1, on repousse, on reporte, on annule au fur et à mesure. Hein, on va avoir des saisons qui vont être réduites, évidemment, de ce côté-là. On va se retrouver dans un instant. On parlera... du confinement donc des sportifs qui trouvent des solutions hein, pour continuer de s'entraîner. On fera un débat sympathique et un peu plus léger sur le cas Benzema et Giroud, ce petit clash. Il n'y a pas de clash parce qu'il n'y en a qu'un qui a fait des déclarations. Mais voilà, je donnerai une petite info là-dessus justement. Une info là-dessus. Très bien. Je vais vous raconter un petit truc assez croustillant quand même. D'accord, bon en tout cas voilà, ça sera un peu plus léger, on va rigoler un petit peu, on en a besoin. Et puis on aura aussi on parlera et je compte sur vous pour parler aussi surtout du Michel Hidalgo, qui voilà, vous avez connu plus que moi, en tout cas pas connu personnellement, mais sur les terrains. Pape Diouf aussi qui nous a quitté cette semaine. Et puis je pense à d'autres, si vous en avez aussi en tête d'autres disparitions ces derniers jours. Et voilà, parler de tout ça. Donc on va se retrouver dans un instant. On va écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? Personne ne m'a proposé. Christophe, on l'a eu déjà. On l'a. Ta proposition de tout à l'heure, on l'a. Metallica, c'est ça? Ouais, tu l'as écouté déjà. On l'a mis. Ouais. Philippe Genesis. Allez, ce que tu veux. Ah, je l'ai pas vu, d'accord. Et bah écoute, c'est parti. Non, alors... je dis là comme ça, mais vas-y. Ah, tu l'as. Ok, d'accord. Et bah Genesis. Phil Collins. Ouais, bah c'est pareil. Phil Collins, ouais. Si tu veux tout seul. Invisible Touch, c'est pas mal ça. Vas-y, c'est parfait. Et ben on parle là-dessus. Avec l'accent russe. Ouais. Donc c'est parti pour Genesis. Et on se retrouve juste après ça pour la troisième partie de cette émission spéciale confinement en direct de la maison. A tout de suite, les amis. retour avec Genesis Invisible Touch, troisième partie de cette émission spéciale, on le rappelle, confinement, donc à la maison. On a déjà évoqué plein de sujets avec Christophe et Sylvain, j'espère que ça vous plaît, hein, cette émission spéciale. On va poursuivre avec... donc le programme. Alors le confinement des sportifs, bah évidemment, ils sont confinés comme tout le monde. Beaucoup, vous avez peut-être vu que beaucoup avaient des idées pour faire du sport à la maison. Beaucoup aussi font des lives pour faire du sport avec les abonnés. Et beaucoup aussi font des Facebook live avec d'autres personnes et parlent du sport, parlent du foot notamment. Vous savez où je veux en venir, avec notamment un live qui avait été fait par Karim Benzema il y a peut-être une semaine. Alors il en fait régulièrement d'ailleurs, Karim Benzema. Et qui, on lui a posé la question de Giroud. On lui a demandé de parler de Giroud. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec Giroud. notamment sur la petite allusion entre la Formule 1 et le karting. Et voilà, il s'est expliqué. Et ensuite, il a fait une autre vidéo pour s'expliquer. Vous avez dû le voir aussi. Vous l'avez entendu cette histoire-là, Christophe? Je sais que oui, Sylvain. Moi, je l'ai entendu. Alors, honnêtement, moi, je suis un peu éloigné de ça. Je m'en fous un peu. Mais je sais que Christophe est très impliqué sur le sujet. Donc, je vais lui laisser la parole. Je suis très impliqué, oui. Non, impliqué, pas du tout. Simplement, vous connaissez mon amour pour ce cher Olivier Giroud. Et pour son grand coach Didier Deschamps, et pour son grand président Noël Le Graët, qui sont tous les trois cuits chemises de toute façon, et qui sont totalement contre Benzema. Donc je trouve que Benzema, à un moment donné, il voulait remettre les choses à leur place. Je pense qu'il a bien fait. Alors on a vu, c'est la bagarre hein, sur les réseaux sociaux. Il y a les pour et les contre. Donc forcément, il y a ceux qui vont défendre Benzema et ceux qui vont te dire que oui, mais l'autre, il a gagné une Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Donc en gagnant une Coupe du Monde, si je comprends bien, c'est ce que moi je dis. Il a gagné une Coupe du Monde, donc il est meilleur que Messi. Par exemple, pour citer que Messi. Hein. Oui, qui n'a pas été champion du monde, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il est meilleur que Ronaldo aussi, qui a jamais gagné de Coupe du Monde. Et oui, aussi, oui. Ah oui, donc sacré Giroud, heureusement qu'on l'a en équipe de France. Sincèrement, il nous sert vachement. Bon, ça aurait pas compliqué, on peut pas sélectionner quand même pour l'Euro. Ça aurait été compliqué. Sans lui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. En tout cas, c'était sympa, cette petite... Il n'a pas répondu d'ailleurs, Olivier Giroud. Hein, Alors, je ne sais pas s'il est au courant justement de la blague qu'il y a eu, parce que tu dis qu'il n'a pas répondu, mais si, il a répondu. Ah, il a répondu. Il a répondu en fait dans un poisson d'avril. Ah, je ne l'ai pas vu ça. C'est pour ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Là. En fait, Clément, qui est mon infographiste sur mon magazine et sur mon site internet, fait également partie de l'équipe de bifoot.fr. Je ne sais pas si vous connaissez le site bifoot.fr, qui est un site très suivi. Oui, bien sûr. Un peu du style d'équipe, etc. Il y a quand même beaucoup de monde qui visite leur site. Et donc, ils ont voulu lancer un poisson d'avril en disant justement que Giroud avait répondu et que Giroud avait dit « Oui, peut-être un karting, peut-être un karting champion du monde. » Et eux, ils ont balancé ça comme un poisson d'avril, en fait. Giroud n'avait jamais répondu. Et Marca, As, enfin, tous les journaux espagnols, en fait, se sont emparés du truc. Et on balançait ça partout, sur toutes leurs infos, que Giroud a répondu, que c'était scandaleux, enfin bon, ils ont foutu un bordel, il paraît, en Espagne avec ça, il paraît que ça fait un sacré cirque, et en fait, ils ont reçu des appels de tous les journaux, sur Bifoot, en fait, ils ont reçu les coups de téléphone de tous les journalistes espagnols qui les appelaient pour savoir où est-ce qu'ils tenaient cette information, etc. Donc ils se sont bien amusés, en tout cas, avec leur poisson d'avril. Giroud n'a jamais répondu, évidemment, je pense qu'il n'aura même pas la poigne de répondre, parce que de toute façon... ce qui a été dit, je pense que c'est la vérité. Hein. C'est compliqué de dire le contraire, même s'il y en a qui vont défendre Giroud, je les comprends. Oui, Giroud a été champion du monde, mais bon, dans quelles conditions? Bon, je ne vais pas revenir sur la Coupe du Monde qu'on a vécue en 2018, mais pour moi, c'était la Coupe du Monde, la pire Coupe du Monde qu'on ait pu connaître, avec deux matchs qui étaient intéressants, deux, trois équipes qui étaient à peu près correctes, mais tout le restant, c'était vraiment une très, très moyenne Coupe du Monde, une Coupe du Monde très, très moyenne. Voilà, je vais y arriver. Donc après, bah, ça reste un a priori personnel. Hein. J'imagine bien qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec mon point de vue. Mais bon, puis je veux plus me battre aujourd'hui, je réponds même plus à ceux qui me disent des trucs. Parce qu'on m'a tellement tensé avec ça, on m'a tellement tanné que je veux plus rien dire. Aujourd'hui, je me tais, je réponds même plus. Surtout que c'est de la provocation, souvent on vient me chercher, parce qu'on sait que je vais réagir. Donc ça les amuse bien les gens à venir me chercher. Donc maintenant, bah, j'ai décidé d'arrêter d'aller répondre à ces gens-là. C'est pas grave, on s'amuse avec ça. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a une Formule 1 et un karting. Alors, il s'est expliqué quand même, Benzema. Et il a je sais pas qu'il a défendu Giroud, mais voilà, il a expliqué qu'il y avait un système en équipe de France qui faisait que Giroud était là, pas forcément pour récupérer des ballons, mais qui était là plutôt pour prendre des ballons de la tête, pour gêner les défenses, pour attirer des défenseurs et laisser le champ libre. En défense, c'est pas mal pour prendre des ballons de la tête. Un Pardon, libéro j'ai supplémentaire, ça nous manquait. Non, mais voilà, qui va attirer des défenses et qui va pouvoir laisser le champ libre sur les deux latéraux. Bon, il s'est expliqué quand même. Et après ça c'était pendant le direct. Il a refait une vidéo après, seul, en réexpliquant son point de vue, qui était assez marrante aussi, cette vidéo. Voilà, bon, c'était le petit point plus léger que je voulais faire dans cette émission. Je sais que. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? J'ai dit pipo. Tiens, une info qui tombait il y a combien? Il y a une demi-heure, même pas. Concernant la première ligue. Alors évidemment, quand vous allez écouter l'émission, vous, l'info datera un peu, puisque on est lundi aujourd'hui, en fait. Hein, si vous écoutez aujourd'hui lundi, ou peut-être mardi ou mercredi. Mais pour nous, vendredi, la première ligue qui devait, enfin qui avait annoncé reprendre début mai, a décalé encore sa date de reprise. Voilà, qui a annoncé la reprise au 30 avril maintenant. Ce qui est assez, pour moi, c'est incroyable, puisque en Angleterre, le confinement est encore différent de chez nous. Hein. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait au point là-dessus. Mais on avait dit début mai, finalement, on annonce 30 avril. Voilà, donc et donc on le disait tout à l'heure, elle a demandé aux joueurs d'accepter une baisse de 30%. Tous les joueurs de première ligue, et on le disait, c'est très compliqué pour l'instant de trouver des discussions favorables. Donc 30 avril pour reprise. Au lieu de en fait, en Angleterre, on fait l'inverse. On dit qu'on va recommencer plus tôt que ce qu'on avait prévu. Ouais, Votre mais impression là-dessus? bah déjà, alors je connais pas les règles là-bas de confinement et tout ça, mais il y a toujours la question de l'entraînement des joueurs, déjà, avant de reprendre la compète. Je sais pas où ils en sont, les joueurs en Angleterre. Mais c'est comme les nôtres, ils vont pas pouvoir reprendre directement. Ils ont les programmes d'entraînement quand même à la maison, mais c'est pas des programmes comme ils ont sur les terrains. Hein. Ça n'a rien à voir. Disons qu'ils font un entretien physique à la maison. T'as pas un joueur professionnel en France quasiment qui a pas une salle de sport chez lui, qui a pas un vélo ou un truc pour faire du sport, pour faire du vélo, tu vois, les vélos elliptiques. Les gars, ils ont tous un truc comme ça chez eux, ils ont tous une salle comme ça. Hein. La plupart, les gros footballeurs par exemple, vont tous avoir ça. Basketteurs, c'est pareil. Les gros sportifs ont tous quasiment ça. Après, ça reste compliqué là encore. Pouvoir s'entraîner à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. On l'a vu aujourd'hui, les gars qui vont faire des footings, t'es limité à 1 heure à 1 km de chez toi. Donc tourner autour de ta maison, c'est bien joli. Dans le jardin, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, tu vas vite en avoir un peu marre. C'est clair. Je Hein. C'est ce que tu confirme. fais, hein, dans ton Bah jardin? ouais, je tourne autour de chez moi, mais c'est bon, c'est un peu monotone, mais bon, c'est comme ça. Hein. Leclerc il court, enfin Leclerc en champ Carrefour ou ce que tu veux, hein. J'ai fait de la pub donc j'en profite. Mais et puis tu cours dans les rayons, tu fais le tour des rayons, comme ça pendant 1 km, pendant 1 heure. Ouais. Prends ton truc, ton petit papier de confinement et c'est bon. Donc pas 30 avril, pas début mai, donc on a dit, et le petit communiqué qui est tombé. Donc la première ligue ne reprendra pas début mai. La saison ne pourra démarrer que quand ce sera possible, bien sûr. Et on annonce aussi qu'on va reprendre, finir les championnats nationaux et les matchs de coupe. Alors on veut jouer les matchs de coupe. En France, on a déjà annoncé que les coupes seraient terminées. Mais alors, en Angleterre, on sait qu'on tient beaucoup aux coupes, hein, que ce soit la Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, elle est déjà finie, mais la Cup, on y tient beaucoup. Et on annonce qu'elle sera terminé. Enfin, on espère qu'on va pouvoir aller au bout. Ça va faire beaucoup de matchs. On sait qu'on joue déjà beaucoup de matchs en Angleterre et là, le temps va être réduit. On veut quand même jouer le même nombre de matchs. T'es Voilà, sûr quand même. pour les coupes en France? Parce que j'avais entendu que le PSG Lyon en finale de coupe de la Ligue, c'était pas encore annulé. C'est Non, c'est reporté. reporté. C'est reporté. Il y a une Alors, date, je sais pas quand, mais. c'est la Coupe de France peut-être qui doit s'arrêter complètement alors. Parce que moi j'avais des billets pour la finale au Stade de France de la Coupe de la Ligue et pour l'instant on ne sait pas. Alors Donc ça, peut-être par contre, tout ce suspendu. qui a été acheté comme billets seront remboursés, il n'y a aucun problème, tout va être remboursé. Oui, ça a été annoncé, oui. Donc coupe, Alors, ouais, Sylvain, vas-y. Vas-y, juste Sylvain. un petit truc. Alors, c'est très secondaire comme question, hein, évidemment. Il y a des trucs beaucoup plus graves que ça. Et va se poser la question aussi de tous les gens qui ont pris des abonnements dans les clubs, qui ont payé leur abonnement à l'année. Oui, tout à fait. voilà. On en avait parlé déjà, Sylvain, de ça. On l'avait évoqué, mais c'est vrai. Puisqu'il faut quand même le dire, Sylvain est abonné à la vie au cerf. Donc, il faut quand même le signaler. Donc, effectivement. Ah, donc c'est personnel. Non, mais t'as raison de poser cette question, c'est une bonne question. Et on avait un peu évoqué avant tout ça, quand déjà l'USO notamment, la Ligue 2 avait été un peu reportée. Mais c'est vrai que là, on peut légitimement se la poser parce que. Bah, si on va pas au terme des championnats, les abonnements, ils seront payés pour... Je pense que pour l'instant, ils vont attendre déjà de savoir ce qu'on va faire des championnats, est-ce qu'on va les jouer, est-ce qu'on va pas les jouer. Ils vont déjà attendre les décisions qui vont être prises, et ensuite, ils pourront analyser, ils pourront se mettre face à face, mais je pense que ça va être une négociation qui va être ardue, qui va être compliquée, parce que, là encore, question d'argent, ça va être compliqué pour les clubs de rembourser tous les abonnés. Tu imagines, ouais. Si on rembourse les 10 matchs qui restent à jouer... ça va leur faire encore une somme à rembourser. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, même en Ligue 1, on parlait de Marseille qui était dans la mouise totale, la plus totale financièrement. Même des clubs comme Marseille vont être dans une sacrée difficulté. Imagine s'ils doivent rembourser combien ils ont d'abonnés chez eux. 25 000, 30 000. S'ils ont 30 000 abonnés, ils doivent rembourser 10 matchs à 30 000 abonnés, ça va leur coûter très cher. Donc Marseille, la championne de l'année prochaine, je ne sais pas comment ils vont faire. Et il n'y a pas que ça, hein. Je vous parle de Marseille parce que c'est un cas édifiant, hein. C'est vrai qu'on connaît les problèmes financiers qu'ils ont actuellement, mais très honnêtement, on se fait beaucoup de soucis pour des petits clubs qui ne vivent pratiquement qu'avec leurs abonnés, bah, comment ils vont faire? Parce que rembourser, c'est bien joli, mais rembourser un abonné, c'est bien. Moi, je suis bien placé pour en parler, hein. Comment je fais aujourd'hui avec mes magazines? J'ai un magazine, je ne peux pas travailler pour l'instant. Je ne peux pas les faire de reportage, je suis obligé de les faire par mail. Ça reste très compliqué de faire les reportages par mail. C'est quand même pas comme quand on a un contact et qu'on voit les gens. C'est vachement différent, hein, quand même. Donc effectivement, est-ce que je dois rembourser mes abonnés, moi, pour autant? Moi, j'ai la possibilité, je vais faire un magazine qui sera en version numérique, mais ça reste quand même une possibilité qui est un peu différente de ce que je fais habituellement. Mais est-ce qu'il faut pas rembourser au prorata du restant de la saison? Ça fait 10 journées à peu près. Oui, c'est comme ça qu'ils vont rembourser les clubs. Imagine s'il y a 10 matchs sur 38, ils vont te diviser la somme, mettons 100 euros divisé par 38, et puis donc par 38 matchs, et puis ensuite ils te le remultiplieront par le nombre de matchs, les matchs à rembourser. Voilà, ils vont prendre le prix d'un match, en fait, ils te rembourseront le prix des matchs qu'il reste à jouer. Je me suis bien expliqué. Mais alors après, encore en Ligue 2, c'est pas un gros manque à gagner, même s'ils ne nous remboursaient pas. Mais imagine un abonné du Parc des Princes ou du Vélodrome ou même de Geoffroy Guichard, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas les mêmes sommes. Hein. Non, je préfère que tu prennes la Beaugeoire plutôt que Geoffroy Guichard. Tu seras gentil. Si tu veux. De football. Non, mais voilà, quoi, on n'est pas dans les mêmes sommes et ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Bah oui, mais c'est ça. Et au club, et alors après, si tu demandes à chaque abonné de faire un effort et de lâcher l'abonnement, ça peut être une question de 30, 40 euros pour un abonné. Mais imagine si l'abonné il va en famille comme toi, Sylvain, je sais que tu vas avec ton fils. Je ne sais pas si ta fille elle est abonnée aussi, mais si tu as des enfants, si tu es marié, que tu emmènes ta femme et les enfants au stade, si tu as 5, 6 abonnements au prix des abonnements, honnêtement, ça commence à coûter cher. Quoi. Si ils ne te remboursent pas, s'ils te demandent de faire des efforts et qu'ils ne te remboursent pas, toi, ça peut te mettre aussi en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on sait toutes les difficultés que ça entraîne aussi chez le travailleur lambda qui aujourd'hui s'en trouve à rien faire à la maison et à être payé 70% du SMIC ou chose comme ça. C'est compliqué. Hein. On est dans une situation, messieurs, qui est pas simple à gérer. Une situation inédite hein, qu'on n'a jamais connue, évidemment. Moi, à mon âge, 55 balais, je n'ai jamais connu ça. J'ai jamais vu ça, j'avais jamais connu la guerre, mais j'avais jamais connu ce genre de truc non plus. Pourtant, j'ai vu des choses, c'est grave, j'ai vu des choses que je reverrai jamais, puisque j'étais à Berlin, à l'époque du mur de Berlin, en 84, et j'ai vu des gens faire des queues avec des tickets de rationnement pour avoir un morceau de pain ou un morceau de viande. Ça, je l'ai vu de mes yeux à l'est, vers l'est. Au jour d'aujourd'hui, je pensais pas avoir un truc comme ça en France. Au jour d'aujourd'hui, on serait presque là quand on voit les gens faire la queue avec leur caddie et attendre, être obligé d'attendre que certains sortent du magasin pour pouvoir rentrer dans le magasin. Je ne l'avais pas vu ailleurs qu'à Berlin, moi, ça. Et là, c'est une situation vraiment unique et exceptionnelle. On peut pas, il faut, à l'exceptionnel, on peut gérer que par l'exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à s'organiser, oui, pour trouver des solutions qui soient les meilleures possibles, mais c'est, il n'y aura pas de bonnes solutions. On aura forcément des déçus, quelles que soient les choses. Voilà, c'est ça. Les sujets qu'on va aborder, il y aura des déçus, il y aura des gens qui seront satisfaits, il y aura beaucoup de déçus. C'est une évidence. C'est obligatoire. Hein. Tiens, on parlait de la JOCR il y a 2 minutes là, Sylvain. Le propriétaire de JOCR qui a donné des masques et du matériel médical, notamment à l'hôpital d'Auxerre. Bravo. Ouais. Bravo Ils à ont été James. nombreux James dans Zouk. ce cas-là à donner un peu Ouais, de. Tiens, aussi, il y a Vincent Gérard, gardien du PSG, qui a fait une. Enfin, okay, c'est pas lui qui a fait la vente aux enchères, mais qui a initié une vente aux enchères. Pareil pour aider les hôpitaux. Alors, ils sont beaucoup dans ce cas-là à faire soit des dons, soit à faire des ventes aux enchères. Évidemment, pour aider tout la partie médicale. Ouais, Vous mais avez vu. encore, si on avait commandé les masques à l'avance, on serait pas là. Hein. On n'en serait pas là. À ça. Et dans les belles choses aussi, j'ai vu un reportage sur un joueur professionnel de rugby de Pro D2 qui doit jouer à. Alors je voudrais pas dire des bêtises, ça doit être à Mont-de-Marsan ou à Albi, bah, qui comme tout le monde n'avait rien à faire et qui a décidé de, alors que c'est pas du tout son métier ni rien, de devenir brancardier bénévole dans l'hôpital de sa ville. Beau geste, ouais. Ah oui. Ouais. Il y avait C'est un vrai que. reportage sur lui dans l'équipe l'autre jour. D'accord, oui, bah c'est. Belle image. Des gens comme ça, t'en as des centaines, hein, Oui. en France ou ailleurs, t'en as des centaines qui font des efforts. D'ailleurs, on leur tire un grand coup de chapeau aujourd'hui, hein, tous ces personnels soignants, tous les gens qui sont là, qui rendent service, tous ces gens dans les magasins, dont on ne parle pas, les caissiers, les caissières, les gens qui remplissent les rayons, les chauffeurs routiers, j'en passe, les femmes de ménage, j'en Livreur, passe les. ouais. Ah Tous ouais. ces gens-là, ils sont dans l'ombre, ils sont dans l'ombre, aujourd'hui, on ne les voit pas, mais s'ils n'étaient pas là, on ferait comment? C'est clair. Tout à Il faut fait. y penser. Il y a bien plus grave que le sport, quelque part. Ah Non, oui, mais non, c'est mais clair. bien sûr, on fait cette émission, voilà, parce qu'on avait envie de la faire, mais évidemment, c'est très secondaire après tout ce qui se passe, mais on a aussi envie d'essayer de changer les idées de tout le monde avec cette émission, et ça pourra peut-être vous occuper 2 heures de votre journée, de lundi ou mardi, ou jusqu'à quand vous allez écouter cette émission, mais voilà, c'est un peu plus de légèreté, mais évidemment, ça reste tout à fait secondaire après tout ce qui se passe. Hein. Juste, je termine avec ça. Les gens peuvent aussi sortir un livre, hein, ça leur fait pas de mal. Tu sais, Oui, ah oui, bien il y a sûr. un truc sympa, je crois qu'ils en ont encore en stock, ça s'appelle le Becherel. Je pense que celui-là, tu peux l'acheter. Il y en a qui peuvent l'acheter, ça leur fait pas de mal. Lire le Becherel, ça leur donnera un peu de temps pour réviser. Y a de quoi faire, ouais. Tiens, un club qui a repris l'entraînement. Est-ce que vous savez où c'est en Europe? Vous avez une idée, tiens? Un club qui a repris l'entraînement. Dans quel pays ça peut être, à votre avis? Un pays qui est moins touché que les autres. L'Allemagne? L'Allemagne, ouais, tout à fait. C'est Schalke 04 qui a repris l'entraînement. Mais avec des mesures de distanciation sociale, hein, comme ça se fait maintenant partout, bien sûr. 1,50 m entre chaque personne. Voilà, donc c'est parti. Donc on a. C'est pas mal. Le foot sans tacle, c'est pas mal. Ouais, Sans ouais. contact. Non, mais c'est une bonne idée, ça. Un foot sans tacle, un foot propre. Donc l'entraîneur, voilà, avec les joueurs ont fait du footing, du jogging, pardon, du footing, c'est pareil, et du dribble notamment. Et en Bundesliga, en tout cas, suspendu jusqu'au 30 avril. Ça n'a pas bougé la date pour l'instant, mais a priori en Allemagne. Je pense que Giroud va être intéressé pour aller jouer à Schalke. Ouais. Il y aura de l'espace autour de lui pour peut-être marquer un but. En Allemagne, on est un peu moins touché et on a l'espoir de reprendre avant, hein. Mais bon. On est évidemment pas encore là. Voilà. Il y a plein plein d'infos qui tombent tout le temps, mais voilà, on va pas toutes les dire, il y en a vraiment beaucoup. On va finir, puisqu'il est déjà. Oui, ça fait déjà une bonne heure et demie, donc on va être très bien dans le timing. On va terminer avec les grandes figures du sport qui nous ont quittés ces derniers temps. Je voulais commencer par Michel Hidalgo. Peut-être quelques souvenirs pour vous qui avez vu des matchs mémorables avec Michel Hidalgo. Ouais, bah, je vais commencer. De toutes les disparitions récentes, moi, c'est celle qui m'a le plus touché. Déjà, parce qu'effectivement, moi, c'est toute mon enfance, Michel Hidalgo. J'étais petit, mais voilà, je me souviens très bien de cette équipe. J'étais petit, mais je me souviens encore de la façon dont elle jouait, quoi. C'est ce que je dis souvent. Je pense que les gamins d'aujourd'hui, dans 10 ans, ils se souviendront que l'équipe de Deschamps, elle a gagné, mais pas de comment elle jouait. Nous, on se souvient de comment jouait l'équipe d'Hidalgo. Je suis retombé sur des photos des compos d'équipe là, en Coupe du Monde, en phase finale de Coupe du Monde, où au départ, sur les 11 joueurs, tu as 6 ou 7 joueurs qui jouent l'offensive, à vocation offensive. Voilà. Les quatre milieux de terrain, tu as trois milieux offensifs, Gires, Platini et Genghini. Et Tigana qui était considéré comme un peu plus défensif alors qu'il jouait déjà très haut, Tigana. Voilà. Quand tu prends l'équipe de France de Deschamps, je pense que tu as trois milieux défensifs en fait. Oui, voilà. Ça a changé complètement de système. Ouais. C'est la même musique, hein, ça c'est clair. Alors, pour abonder dans ton sens, Sylvain, il est vrai que Michel Hidalgo, il était de la première finale du Stade de Reims quand même. Hein. Il a joué au Stade de Reims, c'était un Marseillais. Deux saisons, oui. Ouais. Il était de la première finale européenne en Champions League, donc en C1. Hein. Contre le Real, oui. Pour l'époque, je ne sais même pas si c'était pas la Coupe des Villes de Foire, mais la Coupe d'Europe. C'était la Coupe Latine à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Il était de cette première finale, Michel Hidalgo. Et moi, c'est clair que Michel Hidalgo, pour moi, il restera dans ma tête et dans mon cœur pour toujours, parce que c'est le premier titre pour les Français en 84. Et puis c'est pas que ça, c'est aussi 82, c'est aussi 86. C'est le carré magique, Michel Hidalgo, c'est le carré magique. Hein. Platini, Tigana, Gires et Fernandez, t'en as parlé un petit peu il y a quelques secondes. Voilà, c'était porté vers l'offensive, c'était quelqu'un qui jouait avec Gelfinis, Topira, avec des attaquants, avec des Bernard Lacombe. C'est quelqu'un qui a joué beaucoup sur l'offensive et c'était un super coach. Et malheureusement, on est tous à y passer un jour, hein, on n'a pas le choix, hein. on le sait à l'avance, mais bon, malheureusement, il n'est plus là. Aujourd'hui, il n'est plus là, donc grand respect. J'ai vu quelque part là sur l'équipe ou je ne sais plus où qu'il devrait être mis dans le cercueil avec le survêtement de l'OM. C'est quand même un geste fort, ça veut quand même dire quelque chose, hein, qu'il sera enterré avec son survêtement de l'OM. Je pense que voilà, tout est dit. Hein, je pense qu'on n'a pas grand-chose de rajouter derrière. Hein, c'est quelqu'un qui était vraiment attaché à sa ville et vraiment attaché au club marseillais. Voilà. Ouais, donc tu parlais de Marseille, oui, puisqu'il avait rejoint Bernard Tapie en 86 hein, pour être directeur général en 91. Et puis après, il avait pour ses dernières, on va dire ses dernières activités, il avait ouvert une académie de foot international à Cannes hein, en 2008, il y a un peu plus de 10 ans. Son palmarès en tant que joueur, il a remporté tous les trophées qui étaient possibles en France. Hein. Tu le disais avec Reims, il était champion de France en 55, et aussi le trophée des champions qui existait déjà quand même. Trophée des champions. Alors ça s'appelait, il y avait un nom différent, mais il y avait ce système de trophée des champions. Avec Monaco, il a été champion de France aussi deux fois, hein, 61-63, deux coupes de France, 60 et 63. La Coupe Drago que je ne connais pas, mais en 61 que vous connaissez peut-être. Pas du tout. Non, bon, voilà. La Coupe Drago, voilà, c'est une coupe qui existait à l'époque, qui était organisée par la Ligue, qui était visiblement comme une coupe de la Ligue a priori. Le trophée des champions en 61 et après il a gagné, tu le disais, donc la coupe latine en 55 contre le Real, la coupe des clubs, des coupes d'Europe des clubs champions, la future Ligue des champions en 56 quand même. Il a été sélectionné une fois en équipe de France en 62, ça vous c'est un petit peu plus loin, mais voilà. Et puis bien entendu il a comme entraîneur remporté le championnat d'Europe des nations. Je pensais qu'il avait joué plus que ça en France, hein, il n'a joué qu'un match en fait en équipe de France. Ouais, c'était. Alors moi, il se trouve que j'ai habité au Havre et c'est quelqu'un qui était connu là-bas parce qu'il a commencé comme joueur au Havre au HAC. Absolument. Et voilà, c'est un mec qui avait laissé déjà une super image et ça n'a pas été un grand joueur. Par contre, il a toujours eu des idées sur le foot, très révolutionnaire. Il faut se souvenir qu'il récupère l'équipe de France en 76. L'équipe de France, c'est un désert en 76. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la Coupe du Monde 74, on n'a pas fait 70. On a fait 78 en Argentine. Pardon, voilà. N'a pas entendu Christophe, tu disais. Alors, on a fait 78 en Argentine, mais c'est vrai que 74 en Allemagne et 70 au Mexique, on n'était pas présents. Ouais, c'est lui qui nous qualifie en 70, en 78. Et voilà. Et dès le début, quand il prend l'équipe de France en 76, voilà, il change le système de jeu pour jouer avec deux ou trois milieux offensifs à chaque match. Et moi, je me souviens tout petit être allé voir des matchs avec mon père au Parc des Princes. Et déjà, moi, je me souviens même en 83, tu avais un seul milieu défensif, c'était Luis Fernandez. Tu n'avais pas d'autres milieux défensifs, quoi. Donc, 84, bien sûr, au championnat d'Europe des Nations. C'était le premier grand titre hein, du football français. On le disait, 78-82, les deux Coupes du Monde. Quatrième en Espagne. On s'en souvient tous hein, à Séville, cette fameuse demi-finale contre l'Allemagne, pardon, On va pas y revenir, mais ça reste dans toutes les mémoires. 76 matchs, 42 victoires quand même, avec l'équipe de France masculine. Il a été entraîneur de l'année en 82 quand même, nommé entraîneur de l'année par France Football. Voilà, et... En 82, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Oui, vous étiez nés tous les deux, j'imagine, en 82, il va être temps. Ah non, j'étais pas né du tout, moi. J'étais pas né du tout. Que... J'avais encore 10 ans, presque. Ouais, merci. Hein. J'ai 90, moi. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette histoire avec le prince du Koweït, le Cheikh. Bien sûr, oui. C'était ce fameux but en Coupe du Monde, en 82, en Espagne. Et Michel Hidalgo était rentré sur le terrain et s'était fait prendre par la Guardia, hein, les gardes civils, la police, hein, qui avait voulu le virer. Il avait pris une colère sur le terrain, ça avait été un scandale cette histoire, alors qu'il y avait je ne sais plus combien le score, il y avait 6 ou 7 buts pour la France. Ouais, c'était un... Oui, ouais. Et l'autre, parce qu'il n'avait pas envie d'en prendre un de plus, il avait fait refuser le but français. C'était scandaleux, quoi, c'était un scandale. Et ça, c'est quelque chose aussi qui restera dans l'image, l'histoire. Ouais. C'est une image qui restera dans l'histoire. Tu vois, même si tu es né en 97. 98. Non, bien avant quand même, mais. Ah, ça va, ça va. Mais pas en 80 non plus. Pour la petite histoire, ils sont devenus amis après. Hein. Il a été reçu là-bas et ils sont devenus amis après. Ah bah, il pouvait, de toute façon, il n'avait que ça à faire. Hein. Il pouvait reconnaître son erreur, hein, le prince koweïtien. Tiens, pour finir avec Michel Hidalgo, en 99, il a été élu 3e entraîneur français du siècle quand même. Par France Football, ce qui est pas rien, troisième. Hein. Et après 84 et la victoire de l'équipe de France à l'Euro, entraîneur de l'année européen, hein, bien sûr, mais quand même par le et magazine. Troisième. Pardon. Troisième et par curiosité, les deux premiers, tu les as ou pas? Alors je peux te le donner. Si tu me donnes. Savoir. J'espère qu'ils n'ont pas mis Deschamps devant. Oh non, Deschamps en 99, il n'avait pas encore entraîné. Ouais, c'est vrai. Même Jacquet. Même Jacquet, j'espère pas. Entraîneur du siècle en France, alors 99, je vais essayer de trouver ça, mais je vais essayer de retrouver ça en même temps. On va poursuivre et finir avec Pape Diouf dans un instant. On va pouvoir en parler même tout de suite. Pape Diouf qui nous a quittés mardi, dans la nuit, enfin mardi soir, si je dis pas de bêtises. Et qui avait été atteint du coronavirus au Sénégal et qui devait être rapatrié dans la nuit du temps de mardi mercredi à Nice pour être admis à l'hôpital de Nice. Et malheureusement, voilà, il nous a quittés avant de pouvoir faire ce voyage. Pape Diouf, quel souvenir vous en avez, vous? C'est un peu plus récent que chez Hidalgo, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire? Petit souvenir personnel, j'avais suivi l'équipe du HAC que je suivais à l'époque à Marseille. Et voilà, ça, c'était lui qui était président et je me souviens qu'il nous avait offert l'entrée à tous les supporters visiteurs. Et il nous offrait l'entrée et voilà, c'est tout bête, mais un sandwich et une consommation, voilà. Et j'avais trouvé ça super classe de sa part. Christophe? Ouais, bah pour moi, Pape Diouf, c'est l'image de Marseille, hein, c'est vraiment l'image marseillaise. Pour moi, il y a eu deux personnes. Ouais, il y a eu deux personnes très importantes à Marseille, hein, c'est un Bernard Tapie, bien évidemment, et deux Pape Diouf, hein, les présidents importants. Je pense que là, on est bien d'accord. Tapie, bah, parce que tout ce qu'il a fait, même s'il n'a pas fait que du bon, mais il a amené la Coupe d'Europe, malgré tout, hein, on ne peut pas lui reprocher ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques jours avec mon fils, là, où je lui disais justement que j'étais surpris que lui, avec son cancer, il soit. À mon avis, il est dans un bunker, hein, il est caché quelque part. Parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui est quand même fébrile aujourd'hui, hein, on sait, on n'a pas encore entendu quoi que ce soit sur lui. Donc je m'inquiétais pour lui et je me disais, j'espère que ça va aller pour lui. Et en fait, c'est Pape Diouf, effectivement, ouais, qui est parti à 68 ans. Ouais, bah ça laisse un grand vide parce qu'il était très respecté et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu à Marseille, hein, tout ce qui s'est passé derrière à Marseille, des calicots qui sont accrochés partout sur les ponts à Marseille, les supporters de Marseille qui en ont accroché partout, ont mis des portraits de Pape Diouf, ils en ont mis partout, RIP Pape, etc., etc. Donc voilà, je pense que le respect était immense au niveau des supporters. Il y avait un super respect vis-à-vis de cet homme qui a fait beaucoup pour le club marseillais, ça c'est sûr. Et comme quoi le respect qu'inspire un président n'est pas forcément en lien avec les résultats. Parce que Pape Diouf, il n'a rien gagné en fait à l'OM. C'est vrai. Et Et ça n'en prouve qu'il était hyper respecté. Et comme quoi, voilà, quand, pour un président, pour un dirigeant, ce qui compte, c'est pas seulement les résultats. Et lui, il est vraiment la preuve de ça, quoi. Bah, le truc, c'est qu'il avait un super discours, quoi. Mm. Et son discours était sain et il savait de quoi il parlait et il était vraiment, il écoutait les gens, il était très à l'écoute. Et c'est quelqu'un que je pense que beaucoup de Marseillais vont regretter. D'ailleurs, on avait parlé de lui, je crois, l'année dernière, comme un possible revenant à Marseille. Il disait qu'il était possible qu'il revienne, qu'il reprenne le club. Hein. Ça aura pas eu le temps de se faire, mais voilà. Non. Donc, Pabiouf, il a quand même passé de donc, 2005 à 2009 à l'OM. Alors, on le disait, c'est vrai qu'il n'a pas eu de grandes victoires avec l'OM, en fait. Hein. Il n'a pas eu de... Aucune victoire. Il n'a aucun titre. Aucun titre, voilà. Aucun il n'a pas eu une finale de Coupe d'Europe avec, dans cette période-là. Il n'y a pas eu de finale de Coupe d'Europe pour Marseille. En 2005-2009, entre 2005 ouais, et 2009 ouais. Non, je ne sais plus, les dernières, c'est quand? Parce qu'ils en ont joué, les Coupes de l'UEFA, là, les Coupes Intertoto et compagnie. Là. Ils en ont joué un paquet de ces Coupes-là. Là. Parce ouais, que c'est... Ils ont peut-être fait la finale contre Parme, je ne sais plus en quelle année c'était. Mais. Ah ouais, c'est dans cette période-là, je pense. Hein. Il y aurait bien une finale quand même. Je vais vous retrouver ça. C'était en UEFA? Non, ça s'appelait l'UEFA encore déjà ah, à l'époque. UEFA. En 99, ouais, c'est un petit peu plus tôt quand même. Hein. C'est un peu avant quand même. Bon, autant pour moi. Vous avez un peu de retard. Ouais. Un peu d'avance plutôt. Oui, il a quand même aussi été journaliste sportif, il faut le savoir, hein, Pape Diouf, avant sa carrière en tant que d'abord agent de joueur. Ça, on le savait moins. Et aussi, bien sûr, président, c'est ça qui l'a mis vraiment en lumière, président de Marseille, qui était très respecté en plus dans le milieu des différents présidents. On parle souvent de Jean-Michel Aulas, qui avait un grand respect. D'ailleurs, entre les deux, il y avait un grand respect. Et il était vraiment très aimé hein, du monde du sport français. Hein. Bah, j'ai trouvé qu'il y avait eu énormément de clubs qui avaient justement envoyé un petit truc pour le deuil justement et pour le décès. Il y a beaucoup de clubs qui ont témoigné justement et qui ont envoyé un petit geste, qui ont envoyé un petit mot sur leur site internet, etc. Il y a beaucoup de clubs qui ont mis un truc quand même. Je trouve que voilà, c'est là qu'on voit le respect quand même pour l'homme. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de témoignages aussi qui disent que dans les négociations entre le club ou pour le recrutement ou quoi que ce soit, en fait, il signait quasiment jamais de contrat. Enfin, il finissait par les signer, mais ça se faisait sur une simple poignée de main, quoi. Et voilà. Il y a plein de joueurs qui témoignaient de ça. Un accord, tu te serres la main et voilà, c'est dit. Une fois que c'est dit, c'est dit. Tu t'es serré la main, c'est acquis. Ça fait, oui, c'est la parole, quoi. C'est le. Il n'y a pas de contrat, c'est la parole qui fait foi. Ouais. Et aujourd'hui, t'as plus beaucoup de personnes comme ça. Hein. Non. T'as beau serrer la main à certains, je vais te dire derrière, s'ils peuvent te la mettre, ils vont te la mettre. Donc après l'OM, il a notamment ouvert. Enfin, il a été actionnaire aux côtés de Jean-Pierre Foucault, tiens, on ne savait pas trop non plus, mais qui est bien sûr aussi marseillais, de l'école européenne de communication et d'institut de journalisme à Marseille. Hein. Il avait aussi notamment conduit une liste aux élections municipales de Marseille hein, en 2014, avec qui il est arrivé 5e. Comme avec 6% des voix, ce qui est pas mal. Et il a été aussi chevalier de la Légion d'honneur en 2012. Voilà pour la vie de Pape Diouf. Donc, qui nous a quitté le 31 mars dernier. Bien, on va s'arrêter là, puisqu'on est quasiment arrivé aux 2 heures d'émission. Déjà, ça va vite. Hein. Je vais juste rajouter une personne qui est décédée là récemment. Qui est moins connu, mais si je vous dis Harlem Globetrotter, ça va vous parler un peu plus. Le petit chauve, il y avait un petit chauve dans les Harlem Globetrotter au basket, si vous vous souvenez de cette équipe américaine qui se déplaçait, qui faisait des shows un peu partout dans le monde, sur la planète. Donc Curly Neal, qui est décédé également, ce petit chauve, qui est parti avec le coronavirus également. Voilà. Et donc, Fred Curly Neal, tout à fait, ouais. Ouais. Effectivement. À 77 ans, ouais. C'était hier, enfin jeudi en fait. Bon. Il y a quelques jours, hier. Ouais. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est oui, tout à fait. Très bien. Et puis, voilà. Il y a un décalage entre ta façon de parler et la parole qui arrive. C'est un décalage. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter, ça. c'est le signe qu'il faut s'arrêter. Pardon, toi aussi, on t'entend mal parfois quand tu parles le début de tes phrases. Je sens que ça va encore nous couper, ouais. Bah, c'est pour Effectivement. ça qu'il va être temps de terminer. Et puis, Ah, bon, facture, hein? Ouais. hein. Ou c'est vous, je sais pas, mais. Et puis, on en parlait aussi en début d'émission. C'est pas du sport, mais c'est de la musique. C'est Manu Dibango, voilà, qui est aussi décédé des suites du coronavirus. Il a 86 ans. Voilà, et on se rappelle de lui comme saxophoniste, notamment. J'aurais Et. pu passer une musique ce soir. Pardon? J'aurais pu passer une musique de Et lui ben, ce soir. on va terminer avec lui, justement. Alors, il y Voilà. a un petit rapport avec le sport quand même. Tu connais le lien avec le sport? Alors, le lien avec le sport, je l'ai pas la référence, mais tu vas nous le dire. Simplement le morceau le plus connu de Manu Dibango qui a été repris Ah oui! ensuite par Michael Jackson. Tout à fait. Au départ, il l'a sorti pour le championnat d'Afrique des Nations en Ok, d'accord. 72. Voilà. Et il était sorti à l'époque un peu inaperçu. Et voilà. Et c'est ce morceau-là qui a été ensuite, qui a fait le tour du monde ensuite. Oui, tout à fait, c'est Manu Dibango, c'est Saul Makossa, C'est ça. et qui a été repris par Michael Jackson et qui est devenu, je ne sais plus le titre précis, mais c'est Wannabe Starting Something, ouais, c'est ça, qui est très connu aussi, enfin, qui est ultra connu, ouais. Ben, on va. Connu, oui. ouais, ultra connu, ouais. On va Oui, quitter. Pardon? On s'est pas entendu? si tu veux. C'était pas entendu? Je peux même te le chanter si Tu peux le tu chanter? Ouais, non, on va veux. éviter. ça fait presque, voilà, 1h50, donc on va s'arrêter avec ça. Je vais remercier Christophe et Sylvain. Merci les gars d'avoir été avec moi pour cette émission spéciale. Voilà, j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera en studio. On pourra faire Merci une. à toi. Merci à toi, ça fait plaisir de discuter avec vous. Ouais, fait toujours plaisir. Hein. Ça fait passer un petit peu le Bah confinement. oui, ça nous a occupé 2 heures, oui. Et puis j'espère que ça vous occupera, vous qui nous écoutez pendant ces 2 heures. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une émission en studio très vite. J'espère que vous pourrez être avec moi pour la reprise et qu'on fasse une grosse émission reprise avec plein plein de choses, j'espère. En tout cas, on va se quitter avec ça. Qu'est-ce que je voulais finir par quoi? Vous. Bah rien. Rien. Restez chez vous. Restez chez vous, bien entendu. Bien entendu, restez chez vous. Prenez bien soin de vous et de vos familles et de vos proches. Et puis, on se retrouve très très vite, j'espère, pour une émission en studio avec Qu'avez-vous, ma douceur? Avec Arc-en-Ciel dans quelques semaines. Sol Makossa de Manu Dibango. juste un dernier petit mot. J'aurais voulu juste glisser un petit mot en souvenir, en mémoire d'un copain qui est parti. Alors, par contre, c'est une crise cardiaque, hein, tu connaissais aussi, Guy Belgiano, hein, qui était arbitre de Tout à football dans le fait. Loiret, Ouais. qui était arbitre de football dans le Loiret, et j'ai une grosse pensée pour lui. On embrasse tous ses proches, sa famille, et on pense bien fort à lui. On termine avec ce titre que vous entendez en fond. C'est donc Manu Dibango. Et on se retrouve très très vite, je l'espère, pour une nouvelle émission de la Red Arc. A très vite, et prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Ciao. Salut, salut! Nikasa. Money!